Oh non, malheureusement. L'enregistrement est parti, le live est parti, on est sur Twitch, on est sur Facebook, on est content. J'ai une bière. On a un drink. Oui, à la vôtre. Moi j'ai de l'eau. Hey, c'est vrai, attends un peu, relève ta bière, toi. Welcome back, Guillaume. Cheers. Cheers, cheers. Hey, le cheap. Lâche ta blonde. C'est ma mère. T'es-tu en désintox de beer, toi, là, en ce moment? Non, non. Tu veux-tu une beer, Joe? Non, merci. T'es sûr? Oh, oui. OK. Ah. Ça, c'est qu'il arrive quand tu bois une 24 de Sleeman à toi tout seul. 24? Man! Rock the cash, une caisse de 30. Fait qu'on va vous inviter, les gens qui sont présentement sur Facebook, si vous avez des sujets qui vous interpellent, ben vous avez les émoticônes en bas, le Tom's, le cœur, le bonhomme crampé, le bonhomme triste, le bonhomme épaté et le bonhomme fâché. Vous pouvez le spammer. Vous pouvez les spammer, ça va apparaître partout dans l'écran, c'est drôle, puis nous autres, ben en même temps, ça nous permet de savoir que vous aimez... Si vous avez des questions ou des commentaires, je monitor le chat de Facebook. Guillaume va s'occuper de Facebook ce soir, moi je vais vous lâcher, je vais m'occuper des gens sur Twitch, mes peeps de Twitch. Moi je fais rien... Milter, ben non, c'est pas vrai. Milter, tu divertis les gens. C'est vrai. J'espère non, mais moi, je suis en train de cherry, c'est vrai. Milter, t'essaies de pas te faire bannir. Ah, t'as-tu fait le share? Ben, je m'en allais le faire, mais je l'ai pas fait parce que... He's got it. On est en train de... He's got it. Le micro, comme une gang de veg. Bon, OK. Fait que, bon, ben, ça enregistre, fait que... Go calice! Ah oui? Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à Geek Collectif. Le... Ah, Geek, le... Man! Je passe une fin de semaine avec toi, puis le franco-ontarien prend le dessus. Bienvenue au Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise francophone, homemade, diffusée dans un humble abode de Laval. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir de... Éric Hébert. Mon nom est Éric, et mon nom de famille est Hébert. Et je travaille dans un Best Buy. Excellente déduction. Trouvez-le quel, à cette heure. Accompagné également de Jonathan Milter. Oui. Comment ça va, Joe? Très bien. T'es sûr? Oui. Ouais. Je m'en ai dit de quoi, puis Rick m'a déstabilisé. Hey man, les ventes au détail, ça fait ça à un on est une des dernières fois à Laval, là. Une des... Ouais, et honnêtement, on, c'est le monde pas mal... compter sur leurs doigts, là. Le monde va pouvoir commencer à compter les streams sur leurs doigts avant qu'on quitte la merveilleuse comté de Laval pour aller... dans un autre endroit dont nous ne dévoilerons pas la destination, mesdames un et messieurs. Un nouveau studio. Un nouveau studio, tout comme ici. Grâce à vos Patreons, je pense, on exactement. Peut le dire. C'est le Patreon Money qui paye le nouveau studio. On est capable studio. De... Tu sais, nos 30$ par mois, là. Fait que continuez, 27. Oui, c'est vrai, on est rendu à 27, on a perdu 3$. Fait que continuez de nous encourager pour payer je vais aller voir si c'est pas ma carte qui est bonne, tu sais. Que de profit. Accompagné également... du retour de notre brain, notre recherchiste, notre webmaster, papa. Notre nouveau papa. Renouveau papa. Renouveau papa. Guillaume oui. Amel. Hey, hey, hey. C'est moi. C'était hey, je sais même pas. Okay. Ça sonnait vraiment mon oncle weirdo, genre Quagmire, mais anyways. Mon cerveau, il est comme full motivé, full primé, mais il y a comme trop de choses qui se passent, puis j'ai comme perdu de l'espèce de coordination entre ma bouche et mon cerveau. C'est que des fois, j'arrive pour dire quelque chose, puis je suis comme... Hey, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Ça m'est arrivé la même chose au WEG en fin de semaine. La coordination entre mon cerveau et ma bouche, ça s'est comme perdu en chemin. Puis ça, après ça combien de bières, ça? Non. On boit pas de la bière, on dort au WEG. Okay, on dort et on joue à des jeux vidéo. Exactement. Guys, je suis content, man. On est les quatre autour de la table. On s'est fait un petit setup différent ce soir, un peu plus intime, un peu plus cool. Je peux mettre ma main sur la cuisse à Eric. Et voilà. Fait que ça ressemble à ça. Moi aussi. Toi aussi. Oh. Mais ben en fait, Milter, je voyais tester tantôt, il essayait de mettre son pied entre les jambes. Tu sais, comme dans les films, là. C'est toi qui joues des footsies depuis tout à l'heure. Oh, oui. Tu vois, je joue avec Rick, là. Non, mais c'est cool parce que comme ça, on va pouvoir tous se voir quand on parle. Puis on a un bon show ce soir. Premièrement, ben on a quelques épisodes de retard et c'est voulu, mesdames et messieurs. C'est voulu car, Ben, dans pas long, il va y avoir le déménagement de studio. On a eu l'absence de Guillaume aussi. Fait qu'on on a accumulé du backlog pour vous autres. Fait que ça fait 2-3 semaines, voire peut-être un mois, qu'il n'y a rien eu de publié depuis l'épisode 89. Et c'est totalement normal. On a deux qui s'en viennent. Il y en a deux qui vont être publiés sous peu. Et on va avoir celui de ce soir qui va nous permettre d'accumuler justement du backlog pour vous autres. Parce que les podcasts, on pourrait être à la semaine. On pourrait être 100% dans l'actualité. On pourrait faire 5 épisodes de plein de trucs. En un. Aussi. Mm. Mais on fait pas ça. Parce qu'on s'en calisse pas mal. On s'en calisse pas. Là. On a eu une commission des geekers, non? On a eu une commission des geekers qui va nécessiter beaucoup de mon attention avant d'être dévoilée au grand jour d'Internet. Pas juste Milton, je pense. Pas mal, j'ai tout le monde était là. J'ai juste dit une chose une fois, puis c'était quoi que j'avais dit? Non. Est-ce qu'on parle de celui-là qui est comme disparu là, sur les Internets? Non. Puis on ne tentera pas le diable ce soir. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu un épisode de, vraiment genre premium du Geek Collectif en fin de semaine, mais que si t'étais pas là pour le voir, tu l'as manqué. Ben écoute, il a pas perduré longtemps sur les limbes de l'Internet. Il a pas eu le temps d'avoir un épisode là. Ah non, exactement. On s'est fait report avant la merde. Hey, on s'est fait report quand c'était techniquement, politiquement correct. C'est donc, ça. T'as voulu nous faire de la merde, personne qui nous a report? Ben, à quelque part, tu nous as aidé parce que sais-tu quoi? Ça aurait été pire. T'as le plus grand souci envers le collectif, tu nous as protégés de nous-mêmes. Si j'aurais eu une pièce pour chaque fois qu'André disait bonne chance qu'on était report au début. C'est cool, hein? Non, mais écoute, c'est une preuve de maturité. T'aurais eu une pièce. Guys, ce soir, on a un bon show. On va parler de jeux vidéo avec des sujets geeks incroyables. Spécial chef. À ne pas confondre avec Michel Foucault. Oh! C'est qui, lui? C'est qui, Michel Foucault? Je vous invite d'aller sur Wikipédia. Ça doit être un philosophe. Je suis déjà désintéressé. Moi, je dis que ça doit être un Barbie hipster de la petite Bourgogne. Ça sonne genre, j'ai les cheveux lichés puis je te fais des skin fade. Ouais. En tout cas, lui, il faisait pas des reports de Facebook. Probablement pas. Il donc, est mort, guys, on va faire un petit tour d'actualité puis on va tenter d'interagir avec le chat en même temps. Puis, on va essayer d'intégrer ça. Fait que, qui veut se mouiller? Qui veut débuter? Hein, je vais y aller en premier. Shotgun. Vas-y donc, Guillaume. Parce que j'en ai tellement. Un mois et demi de nouvelles à nous dire. J'en ai tellement. J'en ai pour genre, étant de mon bébé, il y a 9 semaines, des 2 mois. Que là, j'en ai pour un crise de bout. Puis rien là-dessus à rapport avec le bébé. Est-ce qu'il marche encore? Non. Ah, okay. C'est quand qu'il gradue? Va-t-elle graduer? Oh, va-t-elle graduer? Va-t-elle aller à l'université? Nous le serons dans 22 ans. Je trouve ça plate que vous assumez le genre d'un bébé. Là. Peut-être. Ouais, peut-être qu'elle va faire déjà être obligée de la renommer cool, Dougie. Mais anyways. Donc, on s'entend, je suis parti en congé de paternité car ma femme, ma blonde, conjointe, on n'est pas mariés, mais on va dire ma femme pour les bienfaits de la cause, a eu un bébé. J'aimerais bien dire que j'ai eu un bébé. Malheureusement, ça marche juste dans les films d'Arnold. T'as-tu le droit de dire « nous avons eu un bébé » ou c'est comme elle te regarde avec un regard en crisse? Je suis devenu père. Si tu dis que t'as eu un bébé, c'est-tu sexiste? Faudrait demander à Bière, là. Ouais, non, on s'en va pas là. Donc, mais sur ce, faudrait demander bière à quelqu'un lorsqu'on a bu une bière. Nice save attempt. Mais l'avantage, outre le fait de d'avoir 5 semaines sans travailler et de ne pas pouvoir dormir énormément, c'est souvent de pouvoir rattraper plein de trucs geeks que tu as commencé. Par exemple, j'ai fini ma trilogie de Aftermath de Star Wars, qui est un peu un thème récurrent depuis que je suis au Geek Collectif. Mm-hmm. On se rappellera à une de mes dernières apparitions. Pardon. J'avais dit que le troisième volume, je venais de le recevoir et que j'avais l'intention de le finir, chose qui a été faite. Et on se rappellera mes critiques peu dithyrambiques. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas très bonnes du premier volume. Et le deuxième était un petit peu meilleur. Le troisième était correct. Ça a quand même bien fini. Mais c'est très agace. On va dire ça, c'est une trilogie qui est très agace. Il t'en donne, mais pas assez pour te satisfaire. C'est comme un coït interrompu. C'est comme s'il voulait te vendre d'autres livres. Oui. C'est très, mais c'est vraiment très Walt Disney. Par contre... C'est très Walt Disney. C'est juste Walt Disney qui aime ça vendre des livres. Non, mais donner une excuse pour faire d'autres livres après. Parce que dans je vois ça plus comme vouloir créer plus de contenu. Oui, mais pour les gens qui aiment dans ça. L'histoire, la légende de Star Wars, c'était pas aussi flagrant. C'était comme t'achetais, mettons, la trilogie de Tron, puis c'était c'était fermé. C'était Trilogie en, de Tron. C'était encompassé. C'est pas une duologie? C'était un trois livres mis dans un. Tron? Genre, il parle de livres, pas de films. Ah, Tron! Tron. T-H-R-A-W-N. Exact, pas okay, T-R-O-N. Pensais, on parle de Star Wars, les gonchis. Je pensais le grid. On parle du général bleu. OK. Et ça m'amène un peu dans mon... mon deuxième volet, Star Wars, que je voulais faire dans mes actualités, il y a un nouveau livre de Tron qui est sorti par un des très bons auteurs de Star Wars actuels. Donc, si vous avez lu Tarkin, qui est une genre de nouvelle, une petite histoire, qui est canon, donc qui est considérée officielle, elle est excellente. Okay, je pense que tu disais qu'il était cute. Hein. Non, canon, pas comme... Il faut était canon. Canon. Non, mais donc, très bien écrit. le même auteur a écrit la nouvelle histoire de Tron, qui est maintenant canon. Donc, canon pour les élitistes. C'est vrai parce qu'il est dans Rebels. Donc, aussi, donc c'est un des personnages qui a été repêché dans le nouveau écosystème, la nouvelle... que de bonnes nouvelles pour les fans de Star Wars qui veulent plus de contenu. En fait, je vais pouvoir le lire bientôt. Je devrais le recevoir sous peu. J'ai fait encore aller mes tentacules de PR et je risque peut-être d'avoir une réponse positive. Je vous tiens informé. Fait que tu as appliqué pour qu'on parle de tentacle... Non, d'un bonhomme bleu qui vit dans Star Wars. The Tron porn, pas de Tron. Ah, oh, l'éléphant en cantine, là, qui est tentacule, qui bleu, Ken, Star Wars. Qui joue avec une flûte. Non, ouais, en effet. Je sais qu'il y a du beau fan art. J'ai pu. Ou du fan story. Pour essayer de ramener ça à un niveau un peu plus sérieux, je voulais dire, j'ai pu profiter de mon congé de paternité pour lire beaucoup de bandes dessinées, de paperback. Comme on le sait, je parle souvent de volumes reliés. J'avais accumulé beaucoup de backlog par manque de temps ou par autre priorité. Maintenant, j'ai pu profiter d'en lire beaucoup. Je suis présentement en train de lire Amazing Spider-Man Spider Island, qui est un peu une histoire où toute l'île de Manhattan devient infectée par des pouvoirs de super-héros? D'araignées. De Spider-Man. Et c'est un peu l'histoire. Fait que tout le monde fait du Spider-Manning? C'est Spider Island. Il y a sûrement du Spider-Manning dans l'uncut version avec le director's cut. Là. Spider-Man! Tu prends pas un auteur à Spider-Man. On a de Jackal, Anti-Venom. Tous les personnages là, sont là. C'est intéressant. La raison pourquoi je le lis, c'est parce que je suis en train de lire Venom. Le volume Agent Venom? Venom. Ouais, qui devient Agent Venom, okay. En fait là, mais la série qui est sortie en 2011. Ouais, je l'ai lu ça. Mais le problème c'est que toutes les paperbacks sont out of print, donc sont super durs à trouver. Et Digital, man, c'est de moins que je l'ai, moi. Oui, en effet, le digital aide, mais le problème c'est que j'ai pas le goût de me payer Marvel Unlimited là, ou le Comixology. Mais ça va à peine. Parce que la raison pourquoi je commence pas ça, c'est que si je commence ça, je finis plus. Je te comprends. Puis je vais déclarer faillite. C'est pour ça que j'ai gros, commencé ça. Puis j'ai ouais, lui, il est très gros parce qu'il recueille... Il est au complet, excuse? Ça, c'est toute l'histoire tout de Spider-Man. Okay. Mais ça va du Amazing Spider-Man, il y a du Venom, il y a différents titres mélangés. Parce que personnellement, je ne suis pas toi, mais moi, ça me fait chier quand je jette un gros paperback de même puis qu'ils disent après... Non, c'est vraiment le storyline. On a David Davyman alors qui demande... C'est comme Spider-Man Multiverse. Non, pas du tout. C'est pour vous donner une idée, ça se passe dans l'équivalent Shatter, du qui sont tous en... Non, c'est Multiverse qui se passe maintenant, mais le parce que si vous écoutez en vidéo, vous allez voir Milter le tenait à l'écran. Donc c'est ça, c'est le Amazing Spider-Man Spider Island, ça reprint aux alentours de Amazing Spider-Man 654, ça se passe en 2011-2012. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui se passe. Le multiverse de Spider-Man, c'était des années, c'est de l'année passée. C'est vraiment pas dans la même période. Fuck Iron Fist. Ouais. Il y a un Iron Fist Spider-Man. Parlant d'Iron Fist, c'est une des choses que j'ai pu faire aussi pendant mon congé de paternité. Excellente série, hein, Guillaume. J'ai adoré honnêtement la série. Est-ce qu'elle est excellente? Je ne dirais pas qu'elle est excellente d'un point de vue cinématographique ou télévisuel, mais elle est, moi, je l'ai trouvée bonne. Fait que c'est comme le film de Titanic, mais moins bon. Non, genre, je dirais même pas jusque-là. Mais j'ai écouté avec ma conjointe énormément de séries télé, dont Iron Fist. C'est une chose qui était intéressante avec le congé de paternité, parce qu'on s'entend quand t'as un bébé qui fait juste boire et dormir et changer une couche, puis tu dormes aux 2 heures, puis tu te réveilles aux 2 heures, tu fais ce que tu peux. Sinon, dans les jeux vidéo, j'ai commencé et j'ai fini Far Cry 4, incluant le Valley of the Yeti. Je suis à une cinquantaine d'heures, là, étalé sur 5 semaines. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'aller chercher genre les petits bonus, là, aller trouver tous les journaux de ta mère. Ouais, aller trouver Attends, t'as trouvé les journaux de qui? De Galley, Moen Galley, whatever. Moen Galley. Moen Galley? Ouais, la mère du personnage principal. T'as-tu fait tous les tours? Oui, ouais, j'ai toutes les tours, j'ai toutes les guns de Dunlock. Honnêtement. Fait que là, en ce moment, t'es out à Far Cry 5 pour faire plus de tours. En fait, j'ai pas out à Far Cry 5 parce que là, voici ce que j'ai continué Forza 3. C'est pareil comme Far Cry 4. Ben, c'est vrai. Honnêtement, ce que tu dis est totalement vrai. Parce que c'est du open world, puis t'es comme, t'as des courses à unlock. Mais c'est quand même bon, puis j'ai comme, pareil. Dans mon réseau de Facebook qui joue à Forza, et shout-out à Catherine Smith-Desbiens de Girls on Games, Max Tremblay. C'est moi qui ai tous les records. Il est comme, il n'y a pas un qui me bat. C'est que moi, je suis comme un petit peu, hey, je suis pas un gamer, mais je suis pas un gamer de la trempe de tout le monde, mais je suis comme, c'est moi le first. Je vous plains. Fait que là, je fais juste m'assurer que tous mes records, je suis encore le premier, puis je tourne, puis là, je vais aller faire l'expansion. Un peu comme moi avec Milter puis Flint Hook, là, genre. Ouais. Exact, mais à Flint Hook, j'ai commencé à jouer à Flint Hook aussi, mais ça, j'étais plus à congé de paternité. Juste dire qu'Eric s'amuse à m'envoyer la même photo depuis longtemps, celle qu'il avait joué plein de temps, puis pas moi. Puis il dit, check, j'ai 1000 points de plus que toi. Mais. J'ai combien de temps de moyenne que toi? Non, mais je ne voulais pas rusher à travers de ça. Là. Tu rushes ben pas là-dessus. Je rush pas, mais. Mais non, c'est sinon. Mais Forza. Forza, moi, je joue beaucoup. J'ai commencé à jouer à l'extension qui se passe à Blizzard Mountain. Un autre clin d'œil avec Far Cry parce que ça se passe dans la neige. Mais la prochaine extension n'a rien à voir avec c'est Far Cry. C'est Hot Wheels, mais ouais. Honnêtement. Wow. Oui, wow. C'est le fun parce que je me dis, mon kid va. Mon enfant de 9 ans, pas celui-là qui a deux mois, va triper. Moi, je vais faire comme. Que je m'en calisse. Par contre, ça a l'air super le fun. Par contre, je suis un fan de Porsche et je veux dire un gros merci à Turn 10 et Microsoft Studios qui ont été signés le contrat d'avoir les licences de Porsche. J'ai maintenant des Porsche dans mon Forza 3 et c'est la chose qui me manquait le plus dans le 2. Tu as vu ma nouvelle Porsche que j'ai mise sur Facebook? Ouais, elle était pas mal. Croire que pendant des années, tu étais prêt à jouer à Porsche Unleashed. Moi j'ai été surpris de savoir que tu étais dans les top 3 DJ les mieux payés en Russie. Ben, ils ont rien là-bas, hein, fait que. Ouais. Ben, c'est... Il est juste après Abeille Gélina, ça t'a dit beaucoup. Là. Et tabarnak. Excusez. Fait que Forza, oui. Iron Fist a aimé ça, mais je te pardonne. Mais là, je commence mon backlog. En fait, c'est pour ça que je voulais, pour faire un petit rappel à Skerry qui m'a dit pourquoi j'ai pas hâte à Far Cry 5. Chose que j'ai quand même hâte, mais prenez votre temps chez Ubisoft. Vincent, je vais t'en parler. Joue là. À Far Cry Prends Primal en attendant si t'as pas joué. Parce que j'ai Tomb Raider Definitive Edition. J'ai Shadow of Mordor à jouer. J'ai du backlog. J'ai même des backlogs de Xbox 360 que j'ai pas fini. Puis je me suis même pas encore acheté Ghost Recon Wildland que je n'achèterai pas l'expansion par contre. Parce que ça a l'air que c'est de la stine merde. Attends, quand tu vas l'acheter, peut-être qu'il va être tout arrangé. C'est le temps d'aller chercher un capital de sympathie. On a Logan qui fait dire « Je t'aime, papa ». Je t'aime, Logan. Quoi, il y a un compte Facebook là-bas? Logan est rendu sur Facebook. Colin. Non, il est sur les genoux à Martin, je pense. Ouais, ça veut pas dire. Bonne nuit, là. Ça va pas te coucher, là. Il est 8h15. Qu'est-ce qu'il fait de bout? Fait que, OK. Puis c'est ça. Écoute, honnêtement, j'étais content de retourner travailler parce que le rythme du travail est stable. Tu sais, c'est comme toujours fixe. Puis c'est plus facile sur le corps que tu sais, dormir. Ouais, ouais. Mais Chris, que je suis gaga de ma petite fille. En passant, middle name de ma petite fille, Léa. Ouh. T'es-tu sérieux? Sérieux à 100%. Ça, c'est fucking amazing. Puis là, je suis en train de faire mes recherches. Je fais du gros R&D pour mon prochain tatou. Parce que ceux qui me connaissent pas, j'ai un tatou pour mon garçon. Et on fait pas de jaloux. Il faut que j'aille un tatou pour ma fille. C'est que je suis en train de faire des recherches. Et je me dis, je vais savoir un cinnamon bun. Je vais savoir un sable laser. Je vais savoir un symbole de l'alliance. Tu vas faire tatouer, tu sais, le jambon avec les deux buns, comme coupé en deux. Là, oui, tu sais, des fois, je me dis, ah, je vais te faire un dessin de Scott Young. Scott Young, en fait, ceux qui ne savent pas, fait des variant covers de Marvel à la cartoon style. Il a fait des Leia aussi. C'est que je suis tout le temps en train de checker ça puis voir qu'est-ce qui fera pas trop honte à ma blonde. Mais pourquoi Leia? Qu'est-ce qui fera pas trop honte à ma blonde? Parce que Star Wars. Pourquoi tu n'as pas appelé Carrie? Pendant ce temps-là, t'as la pizza de Milter sur son bras qui fait Hold my beer. Puis je trouvais que c'était aussi un beau modèle beau, à cause de ouais. Carrie Fisher. On s'entend quand la décision a été prise, Carrie Fisher n'était pas morte malheureusement. Malheureusement. Mais malheureusement elle était pas morte. Je veux pas qu'elle soit morte. C'est malheureusement elle était pas morte. Non mais double négative Guillaume. Fuck. Malheureusement. C'est ça qui arrive. Comme je perds mon espèce de coordination buccale. C'est okay. Ça. Tu me blâmes moi là, c'est ça. Non. Tu me blâmes moi. Si tu veux, ben, t'es bien susceptible. Si tu veux le prendre, le blanc, prends-le. Mais non, en fait, on a choisi ça, ou j'ai choisi ça. Mon seul genre ask à ma blonde, dis-moi, on va parler du prénom, je suis pas trop difficile, tu sais, mais moi je veux que le middle name soit Léa, puis Carrie Fisher est encore vivante. Puis là, justement, malheureusement, elle est morte. Non, mais là, je le dis de la bonne façon. Elle est encore vivante. Elle est encore vivante quand c'est arrivé. Puis je trouve que c'est un bon modèle. Tu sais, autant la personne, l'actrice et le personnage. C'est un middle name, si on s'entend, c'est pas un nom composé. C'est qu'elle va juste. C'est là symboliquement, puis tant mieux. Ouais. Good job. C'est mieux ça que tu sais, Lindsay Lohan. Et props à ta compagne d'avoir participé dans l'aventure de nommer une enfant avec Léa. Ça, honnêtement, c'est vraiment cool. Il en faut plus du monde avec des. Avec des Léas. Du vouloir d'accepter. Propager le geekness dans la population. J'ose mieux que Carrie. Parce que personnellement. Carrie, ça fait genre, je vais me vider 3 litres de sang de cochon dessus à. Ben, ça, je vais dire, parce que ça peut être pris à plusieurs. Ça peut faire, je fais de la musique country aussi. Comment? Ben, comme Carrie Fisher. Carrie Underwood. Sniffer la. Ben, Grim, pendant 25 ans, elle fait, en tout cas. C'était un vrai bon role model. Hey, je peux y aller. Mais non, mais vas-y, parce que tu parlais de backlog, puis moi, j'ai du backlog que j'ai avancé. Fait que je m'ai dit peut-être que je peux faire un segue avec ça. J'ai fini Ninja Senki. OK. Dernièrement. Très difficile. Très le fun. J'ai jamais fini Ninja une fois que tu comprends le pattern. J'ai jamais fini quelque chose en maudit, par exemple, mais il est le fun. J'ai avancé beaucoup pour Jeff Cron pour WEG en fin de semaine. J'ai pris comme son account, puis fait une coupe de tableau. Toujours le fun. Je joue à Flint Hook. C'est pas fini, mais c'est incroyable. Je sais qu'on en parle tout le temps. C'est fucking bon, ce jeu-là. Mais Colin, je suis addict à ça. C'est le fun. Moi, ce que j'aime, là, c'est leur musique. Tous les jeux de tribute, la musique, c'est malade. La musique est super bonne, ça c'est vrai, mais le gars le jeu est sympathique en plus. Ouais, on l'a rencontré. Ouais, c'est bon, il a parlé. On est allé au party de lancement de Flint. Alors que moi, j'étais en train de bercer. Ouais, on a été low profile avec ça, mais effectivement, écoutez, il y a une couple de photos. Si ça intéresse quelqu'un, je pense qu'on a posé. On a une photo du monde en train de prendre une photo du gâteau. Ouais. C'était comme meta as fuck. Shout out à Marion, puis. Hey, écoute, c'est fou, ils ont sorti le gâteau, puis c'est comme, c'était comme un moment où il n'y avait plus un son, puis tout le monde avait leur téléphone, puis tu sais, c'est comme... On prenait notre tour. Tout le monde prenait leur temps de prendre la belle photo chacun du gâteau. À la fin, le gâteau était fondu ou... Ouais, j'ai eu une photo, j'ai eu la chance d'avoir une photo de toute l'équipe, moi. Eh hey, belle, ouais, à la fin, je l'ai vu, ouais. Mais j'ai pas eu de l'équipe, je suis en train de Michael. On s'entend, c'est plus facile à coordonner une photo de tribute. De toute l'équipe de Tribute, maintenant, regardez, hey, je vais prendre une photo de toute l'équipe d'Ubisoft. On s'entend, il aurait fallu plus qu'un téléphone pour faire c'est ça. C'est vrai, Tribute, c'est un petit studio. Mais c'est ça, faut qu'on en parle. Des c'est un bon petit studio. Fait que Milton, ben, en Flint tout cas, je l'ai pas fini. Là. Faudrait dire, en parlant de finir Flint Hook, shout out à Damien Boudreau. Oui. Qui a fucking fini Flint Hook en une journée. Y a-tu dormi ou. Non, oui, il a dormi. Je pense qu'il a fini en 6 heures. Oui, fait que. Okay, le ça, gars, c'est il, y a des, assez, il y a des skills assez... de plateforme. Ah, Damien. Damien a des skills tout court. Ah, il platine des jeux, puis... Mais il l'a fini. Extra nice tellement guy. Qu'il l'a fini que quand il était rendu à la fin, il y avait moi, puis Jonathan Simard, Zef, qui était dans... Comme on était pas loin. Puis même Joe, il est comme... Non, je veux même pas voir le boss de la fin. Je veux pas me ruiner. Pas de spoiler. Ça, c'est ouais. Ça, c'est ça. Ah, en parlant de Zef, je suis en vacances. Fou vacances going down, Zef. Je voulais juste... Ça le faisait tellement chier que j'étais en vacances après le WEG. Fallait que j'y dise. Mais en tout cas, okay, je joue à Flint Hook dans ton backlog. Flint Hook, c'était carrément. Mais je le considère moyennement backlog parce que j'y vois in and out. Là, sortir, je rage quit après 4-5 fois. Parce crois, qu'il vient de sortir. Okay. Aussi, ben, l'affaire avec Flint Hook, c'est que tu fais une run. C'est très rare que je vais faire 2-3. Moi, j'en fais 2-3 des moi, fois. Moi, j'en fais une, des fois deux. Quand je suis dedans, je suis dedans. Ça, je fais d'autres choses. Mais justement, quand je fais d'autres choses, à cause de toi, je joue pour la première fois de ma vie. Puis toi aussi, je pense que ça fait pas longtemps que c'est ta première fois. Comme un retard, vraiment gros retard là-dessus, le hype me tuait dans le temps, dans le sens que je voulais pas jouer à ça à cause de comment. Hein, puis finalement, c'est cool. Je suis pas prêt à capoter, mais Shovel Knight, j'aime beaucoup le jeu, je le trouve le fun. Acheté à ta fête. Ouais, que tu m'as hey, bonne fête, Milter. Ah, j'aime ça, on se fait des beaux cadeaux de fête comme ça, nous autres. Puis, toi, t'as acheté Battlefield 1 aussi. pour ta fête, j'ai eu Battlefield 1. Merci, Julie. Mais non, on s'ajoute plein de jeux mutuellement. Mais Shovel Knight, c'est quelque chose. Mais il est le fun, il est le fun. Je suis pas prêt à te dire, je vais le jouer 20 fois. Là. Mais une fois que j'ai fini que... le story, je vais être content. Dirais-tu que t'as cette opinion-là ou ce feeling-là à cause que tout le monde en a parlé, qu'on a eu, tu sais, à Montréal, on parlait de tribute, on a beaucoup de jeux... rétro style, tu sais, Ben, moi, non, mais moi, c'est que tout le monde parlait de Shovel Knight comme... Premier, Shovel Knight, c'est plus rétro que Flint Hook. Flint Hook, là, oui, il va avoir une esthétique rétro, mais le jeu gameplay, est loin c'est... d'être rétro. Tu n'aurais jamais avoir Chaos, fait ça. Mais Curse and Chaos, c'est rétro, à part que... Oui, Curse and Chaos, c'est rétro. En mais tôt. Flint Hook, mais c'est ça tout... a une esthétique c'est... rétro, vu que Shovel Knight est arrivé avant tout ça... Shovel Knight, c'est bien plus rétro. Oui, mais est-ce que c'est le fait qu'on est, on est comme un peu pas blasé, mais qu'on commence à... Il n'y a plus l'aspect de novelty factor, je m'excuse du beau franglais, là. Ben non, non, je ne sais pas. Je pense 10 pour Shovel Knight? Sur 10. Moi, je vais dire 8.5 là, dans ce coin-là. Pas donc, que j'ai rien de mauvais à y dire tant que ça. C'est juste que je ne catch pas. Il y a un mode deux joueurs aussi. Ouais, hein. En plus, puis tu peux choisir ton gender. Il y en a juste deux, malheureusement. Quoi, il y a juste deux genders? Ben ouais. Qu'est-ce que c'est mais ça se passait comme dans jeu, le temps, ça. Ben justement. la folie n'était pas commencée. Mais ben ils viennent de rajouter ça. Fait que, en tout cas, puis, c'est bon. C'est gâche. Comme un retard. J'ai même pas besoin de le dire. Tout le monde l'a fini des centaines de fois, sûrement à part moi. Lego Worlds. Je joue à ça. Je l'ai un peu acheté pour mon gars, puis pour moi en même temps. Mais c'est le fun. C'est ouais, du... Moi, je me suis amusé avec. Je suis un peu moins hardcore dans celle-là que d'autres. Genre, j'y vais un peu. Je fais 3-4 gold break. On s'entend ce aussi, là. Il y a moins d'attrait, mettons, qu'un Marvel Lego. Là, non, mais c'est l'attrait oui, création. C'est là, ça, là. C'est faut que tu files créatif à rien faire. C'est comme je vais faire mes affaires, puis je vais me construire de quoi. Mais là, je suis comme dans le mode déblocage. Tu sais, fait que je débloque toutes les affaires, puis après, je vais pouvoir jouer avec mon gars, avec Logan. C'est justement. Comme le Lego qui est comme Minecraft. Puis, ouais, un peu. Ouais. C'est juste que pour. Tu sais, au début, le training, ils te le font en genre d'étape. Fait que tu sais, tu vas voir une quelle personne, ils te débloquent un crafting tool, qui est dans le fond un genre de gun de découverte, un gun de. Monter, descendre le terrain, un terraforming chose. Tu on sais. Dirait une fois aussi que t'as tous les outils, t'es comme, ok, ouais, j'ai pas le temps pour ça. Ben, il y a un peu ça, mais c'est pour ça que j'avance à coup de 3-4 briques, puis à un moment donné, quand j'ai tout, je vais pouvoir dire avec mon gars, gars, on se pogne un random planète, on fait qu'est-ce qu'on veut, ça, puis on comme, joue ensemble. C'est comme moi dans Final 12 dans le temps au PS2, tu sais, c'est comme, hey, c'est vraiment fuck that shit, man. Non, je peux pas m'investir dans un jeu de même, bon, man. C'est, donc, c'est, Lego non. Worlds, un jeu basé sur Minecraft qui est un jeu basé sur Lego. Non, pas je dirais, tant que ça, ouais, mais... parce que c'est vraiment, c'est, Lego Worlds, ça te donne les Lego à l'infini, là. C'est carrément comme jouer un bâti jeu de Lego, puis c'est ça, c'est, tu Lego, découvres là. De quoi, tu la jettes après avec tes coins que tu manques jamais, là, puis tu fais juste l'acheter, puis après, ben, il est débloqué pour toujours, tu payes build, pas à chaque là. Fois, fait que tu fais comme, ok, je construis une maison. Ok, c'est comme dans le fond avoir un kit de Lego en plastique, mais virtuel. À l'infini. Virtuel. Ouais, puis tu peux faire copie, tu sais, avoir 8 outils, ans, là, clac, clac, clac. Tu capoterais ta mais vie. Mais c'est comme pratique ouais, quand tu es un, mettons, quelqu'un qui habite, mettons, dans un petit appartement à Montréal puis qui veut pas avoir à toujours piler sur des crises de Lego qui traînent à terre, t'achètes Lego World à ton enfant. Ah, je pilerais sur des Lego, moi, à la place de jouer à Lego World. Je suis d'accord avec toi, mais je ferais deux parce que moi, il trippe ces deux. Fait que... Puis, mon dernier jeu, c'est... ben, j'ai joué en fin de semaine un petit peu à cause de Bruno Georget et JF Cron. De Retro Nouveau, c'est Human Fall Flat, puis c'est pas un backlog, c'est un future log parce qu'il sort le 12 mai si je me trompe pas, mais pour une raison inconnue, il y avait déjà des versions disponibles en fin de semaine pour nous au WEG et c'est excellent, c'est comme Gang Beast, c'est comme... C'est quelle plateforme ça? C'est Xbox One, PS4, tout là, puis c'est carrément un genre de jeu que tu te contrôles tout croche. T'es bonhomme, tu payes R pour la main droite, L, puis il se pogne après des affaires, puis t'essaies de faire des genres de puzzles, puis c'est juste vraiment drôle. Tu joues en coop avec tes chums, puis c'est pissant, là, ça a de l'air cœurant. Puis j'ai mal checké, je sais pas s'il y a du online, mais s'il y a du online, ben ça va être fou. Mais je sais qu'il y a du local co-op en tout cas, puis déjà ça, c'est fou. Fait que, checkez ça, achetez ça, il est en deal présentement, fait que pour, en précommande, qui vient avec un autre jeu. Fait que c'est comme ça, vaut vraiment la peine. Ben vite aussi j'ai pas commencé puis ça me surprend mais il y a déjà une couple de semaines que Frank Rising est sorti de Dead Rising 4 puis quand j'ai vu ça j'ai dit oh shit faudrait que je finisse absolument toutes les petits trials que j'ai pas fait dans le 4 fait que j'ai tout fini absolument tout qu'est-ce qu'il y a je suis level 100% puis that's it fait que là je vais commencer Frank Rising je vais sûrement en parler dans les prochaines semaines prochain nice. Épisode il paraît qu'il est moyen, mais gars, moi et le monde qui connaissent pas ça, Dead Rising, fait que on va voir mon petit point de vue là-dessus. Puis finalement, finalement. C'est trois fois qu'il dit. Non, non, mais c'est. C'est trois final. J'ai deux affaires. Une affaire ironique. Non, non. Pour c'est... terminer avec ma dernière affaire, finalement, j'en ai deux. Tu vas voir, ça va un peu okay. ensemble. Si vous me laissez parler. moi j'ai dit, je vais trouver des life hacks qui vont aider les gens dans la vie, des petits trucs que moi j'ai pour faire mieux, que t'ailles moins de troubles dans la vie. Là, que c'est moins chiant. Rendre la vie plus... Non, pas une meilleure personne. Rendre la vie plus facile. Tu okay. peux être un trou de cul pareil, mais ta vie va être facile. Fait que si t'es comme moi puis t'aimes pas plier, vraiment chercher des bas, fait que tu demandes à ta femme qu'elle t'achète des paires de bas toutes pareilles. Comme ça, tu les cherches pas. Attends un peu, là, toi, tu viens de découvrir le truc d'acheter juste une seule sorte de paire de non, bas. Non, mais puis... j'ai pensé à ça en les pliant la dernière fois parce que mes enfants, ils ont des bas plein de sortes différentes avec des petits dessins et tout, puis ça ouais. fait chier. Fait que tu achètes des bas toutes pareilles. Ou tu as juste expliqué à tes enfants que c'est cool d'avoir les bas différents. Ou ça avec, ils le font déjà. Et s'il met un bas de Hulk puis un bas de Captain America, il peut dire j'ai des bas des Avengers. Puis techniquement, j'ai pas acheté de bas d'Avengers. Fait que ça, c'est un life hack. Ça, c'est un life hack. Ton okay. enfant est heureux, puis moi, je suis heureux parce que c'est moins long à plier. Puis, une affaire, c'était juste une ironie de la vie. Je faisais du ménage chez nous la dernière fois, puis, tu sais, dans la chambre de bain, t'as une affaire des fois qui tient le savon. Ouais. Ben, le savon a laissé des taches de savon, puis je l'ai lavé avec d'autres savons. J'étais comme, what the fuck? Fait que t'as pas fait comme les Simpsons. Je sais pas. Les Simpsons, les autres, ils ont pris tous des petits morceaux de savon. Puis ils ont ah, les petits morceaux, savon. Ça, c'est quelque chose, mais il est quand même taché de savon. C'est tout, tu récupères, tu économises. Mais je pensais à ça, c'est ironique, pareil, qu'on prenne du savon First world problem pour laver right there, du là. Savon. C'est, mais si on veut... Non, il semble juste le frotter, le savon devrait se laver lui-même. Non, mais moi, j'aurais juste mis de l'eau, parce que je me suis dit qu'il y avait du savon. Non, j'ai mis du savon à vaisselle, genre, puis... Merci, Joe. Ça, pensez à ça. Merci. Tweetez-moi vos réflexions. Calé. Wow. Mais, on a parlé beaucoup de jeux, puis ça a triggeré bien des questions. On a Cédric qui voulait savoir si on avait joué à Nier Automata. Pas encore. Je crappe le nom. Là. Pas encore. Moi, personnellement, j'attends une Steam Sale parce que justement, je commence à être accumulé. C'est ça qu'il y a l'achievement pour le Upskirt? Non. Mais en tout cas, sur Steam, il y a un Partial Nudity Alert. C'est peut-être ça. That's where the money's at. Rick, tu y vas ou j'y vas? Non, je vais y aller, moi. Tu y vas? OK. Moi, j'ai décidé d'aller comme contre... j'ai décidé d'être moins geek un peu dernièrement. Puis je me suis rembarqué dans du Star Trek The Next Generation. C'est moins geek, ça? Non, c'est nerd en sacrement. Moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'en ai sûrement déjà parlé. Mais moi, j'ai vraiment un amour pour Star Trek depuis que je suis un enfant. Je vais toujours m'appeler. Ma première exposition à Star Trek, c'était voir mon père regarder les vieux Star Trek avec Captain Kirk, tout ça, la télésérie en rerun, les dimanches matins. Je me souviens que ça se passait. Mon père écoutait ça aussi, des fois, avant le football. Puis j'écoutais ça, puis il m'a apporté voir le film Star Trek 4 au cinéma. Puis j'ai capoté ma vie quand j'ai vu Star Trek 4. J'avais comme 8-9 ans. C'était une des expériences les plus hallucinantes que j'avais eues de ma vie. J'avais vraiment, vraiment aimé. Ben, du monde qui peuvent chier sur Star Trek 4 si vous connaissez un peu les films de Star Trek. Mais quand t'as 8 ans... Celui avec les baleines? Avec les baleines, oui. Celui avec l'aluminium transparent? Oui, exactement. Il était cool. Puis avec quoi? La quoi transparent? L'aluminium transparent. C'est ça qu'il appelait ça? En français, il appelait ça de même, oui. En français? Ben moi je l'ai vu en français ce film-là à l'époque là. Okay, ben, ouais, les VHS, là. Le film, j'ai vu ça, j'ai absolument adoré ça. Puis la même été, à cause que j'étais un petit peu sur un hype de Star Trek, la même été, Star Trek The Next Generation a sorti. C'est en 87 à peu près, je pense. Puis j'ai vu Star Trek The Next Generation la première fois sa télé, le premier. C'est un événement de télé. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'événements de télé maintenant, ça n'existe plus. Là, le monde va être comme hey, « j'ai vu 12 heures de télé-télé, qu'est-ce que vous en pensez? » Dans ce temps-là, c'était comme une émission, ça sortait, tout le monde l'écoutait. Puis Star Trek The Next Generation, quand ça sortit, c'était un gros événement. Puis j'ai regardé tout ça toute ma jeunesse, toute mon adolescence, Star Trek The Next Generation, j'ai adoré. Puis dernièrement, j'ai à cause de certaines petites choses qui se passent, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais recommencer du début Star Trek The Next Generation. Ça doit faire un bon... comme j'ai regardé des émissions ici puis là quand je tombais dessus sur Space, des affaires comme ça, mais je me suis jamais fait un full run. En ordre. Ouais, depuis longtemps. Il y en a en crise à écouter. C'est ça, là. C'est ça. Puis là, j'ai commencé. Je viens de finir saison 1. Puis... là, je commence vieux, saison 2. Ouais, les vieux, vieux, vieux. Star Trek The Next Generation. C'est avec Jean-Luc Picard. Okay. C'est ça, avec c'est quoi l'Enterprise du premier? Là, c'est juste Star Trek. C'est juste Star Trek. Ouais, il appelle ça The Original Series. Ah, okay, c'est comme ça. Mais j'ai commencé à écouter ça. Je capote ma vie. Puis c'est aussi à cause que aussi je commence un petit projet avec Mario Geramos, qui est un de mes... c'est le gérant d'Arcade MTN, mais il fait bien d'autres choses aussi. Rétro Nouveau, plein d'affaires cool comme ça. Il a gagné un Gémeaux. C'est pas n'importe quoi quand même. Puis c'est quoi tu fais pour gagner un Gémeaux? Hein? C'est quoi tu fais pour gagner un Gémeaux? Ben, tu écris des scénarios. Il écrit des scénarios? C'est un scénariste. Ah, là. Cool. Puis moi puis lui, on jase fait longtemps, puis on parle toujours de Star Trek, puis on trippe bien raide sur Star Trek. Puis ben là, on a décidé de faire un podcast de Star Trek. Ça va s'appeler Pod Trek. On commence ça... Pas de stress. Pas de stress, mais pas de trek. On commence ça on fait notre première échange la semaine prochaine. On attend un logo aussi. On était béni avec un logo qui va être fait par Dominique Bourret lui-même. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je peux te faire un request? Peux-tu venir faire le show où vous allez parler de l'épisode où que tout le monde a un visor et ils pitchent des gens de disques? Le jeu vidéo, là, ouais, où est-ce que tout le monde... ils sont tous psycho, ouais, là. Moi, j'aimerais ça parler de ça. Émission-là. Moi, c'est ça le drôle aussi. Moi, je connais des fans de Star Trek qui vont être comme « Hey, ouais, épisode 7, saison 7, slash 32, le nom du titre. » Moi, je suis zéro comme ça. Moi. Moi, je me rappelle des disques qui revolent. Qui apprécient pour la valeur d'Entertainment, l'apprécier. Pas genre du giga, là. Et, tu sais, comme je veux pas dire des mots qui me viennent en tête, parce que des fois, il y en a qui vont dire que c'est méchant, mais tu sais, des obsessionnels compulsifs, là, qui sont comme... autiste, pour reprendre une expression à Hamilton. Je dirais pas ça, mais non, je suis pas comme ça. Mais quand je parle avec Mario, moi et Mario, on parle. Mario, il a découvert Star Trek Next Generation plus tard. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. Fait que c'est une perspective quand même assez intéressante. Mais on vit un peu sur le hype de la Discovery qui s'en vient. La première série télé de Star Trek depuis longtemps. Là, ils célèbrent leur 50e avec un cast de fou. C'est ça, mais ça va être genre ça web-based pour commencer seulement. Non, ça va être TV. Ah, oui. Non, le premiere, c'est sa télé. Puis mais après ça, vous payez 10$ pour non, le CBS. Aux États-Unis, ça va être CBS Access. Au Canada, il va avoir les droits de distribution de sa télé. Là. Fait on se complique pas la vie pour ça. Anyways, tout le monde écoute des téléséries comme qu'ils veulent maintenant. C'est plus comme moi qui est en train de courir dans mon parc un samedi soir en train d'espérer d'arriver à 7h pile pour pouvoir voir le début de Star Trek The Next Generation. C'est plus de même. Là, comme non, là, non, ça faisait la même affaire pour aller écouter Voyager. Avec Seven of Nine. C'est ça, puis ouais, mais Seven of Nine, ans, tu la vois plus tard. Là, oui, même c'était pas Full là, House. Début, là. Avec les petites jumelles. Oui. Mais dans le temps, c'était pas des jumelles dans Full House. Tu me comprends, là. John Stamos. Mais on a bien hâte de ça. Suivez un petit peu, vous allez entendre des nouvelles de ça dans pas long. Puis, Dave Coulier. Non, OK. On fait notre premier enregistrement la semaine prochaine, puis on a bien hâte. Ça va être enregistré à Arcade Montréal? Non, non. Mario est déménagé dans le quartier, fait qu'on est très proche. J'ai un gros crew de chums. Enfin, ça gentrifie, je veux dire, ça se geekifie Hochelag. Hochelag, là, comme dans le cercle d'amis Arcade MTL, dans le cercle amis podcasting, dans le cercle amis geek, rétro gaming. C'est il y a très une fort. Belle gang là, qui commence à déménager dans le coin. Il va avoir moi en plus on déménage dans un duplex qui est juste en face du parc Hochelaga. Fait que nous autres on va commencer aussi à avoir de la patente, des affaires comme ça. J'ai eu mon premier moment neighborly où ce que Dominique m'envoie un message puis il est comme t'es de chez vous, je suis comme ben non, je suis au gym. Il est comme ah, je m'en allais faire du rollerblade avec mon chien, j'avais arrêté de dire allô. C'est comme tu sais des petits moments de petits quartiers là, comme tu sais c'est le fun que tu commences à ressentir. Ah, moi ça. J'habite avec des hipsters à Villeray. Ouais, mais ben, nous autres encore. Moi c'est Mario va habiter en coin, fait que ça va être très facile qu'on puisse faire des petits affaires comme cool, ça. Moi je suis dans puis, le bois. C'est ça. Puis aussi je voulais dire vite fait le WEG, on peut-être André va en parler, je sais pas, plein de choses sont passées au WEG, plein d'affaires. Mais Riverdale, je suis rendu à jour avec c'est Riverdale. C'est Riverdale, man. Riverdale c'est fucking bon. Molly Ringwald. Puis j'aimerais juste dire que le monde qui chie sur Riverdale comprenne pas Archie. Je m'excuse, là, je vais être le premier à le dire, là. Si vous chiez sur la série parce que vous voulez que fucking Jughead il mange un esti de burger, oui. Là. Hein? Ben oui, il devrait en manger un, esti. Pauvre gars, il a pas d'air à manger. Il mange mal nourri. Il en mange. Il mange de la pizza. Il boit des milkshakes. Ben, il a de l'air mal nourri. Je trouve qu'il est tout maigre puis dépressif. Puis... Ben. Le gars, c'est un outcast. Il ben. Dit. Il est outcast aussi. Mais le, bout, la télésérie, je trouve excusez-moi. Qu'il est tellement bien. Est donc, tellement c'est Archie meets Twin Peaks. Puis il y a ça. Mais il y a clairement, des petites là. Affaires aussi, comme on dirait maintenant, qu'ils font par exprès. Comme le monde, comme on dirait, tu sais, t'as du monde qui freak, c'est comme, ah, oh, Jughead, il a pas sa couronne jaune ou des conneries comme ça. Here comes that sweater. Puis là, ils mettent la couronne jaune, direct sur le Betty, sweater ouais. de Betty. Qui le fait que Betty soit en couple avec Jughead. Avec Jughead, c'est fucking écœurant. Que Reggie soit un d'affaires. Chinois. Non, c'est parfait, honnêtement. Reggie soit un chimel, c'est ça un Chinois. Ben, okay. Il est asiatique, là, mais il est vraiment il est bon, le Reggie. Ben oui, non, mais c'est ça, Reggie, c'est il est déjà c'est un peu parfait, asiatique. Mais il y a plein bon d'affaires, là, c'est super bon. Je capote sur ce show-là. C'est vraiment un show que. En fait, je trouve que sur Netflix, c'est le meilleur show sur Netflix. C'est mieux que tout ce qui est sur Netflix en ce moment. C'est meilleur qu'Iron Fist. C'est mieux que Bill Nye. C'est meilleur que Bill Nye. Anyway, c'est peut-être pas meilleur que le nouveau stand-up de Louis C.K. Louis C.K. 2017, c'est peut-être un des meilleurs stand-up que j'ai vu de ma vie. C'est très bon, Louis C.K. La seule affaire, c'est que quand tu le vois une fois, ben, t'en as plus après. Ouais, je l'ai regardé deux fois parce que je voulais que du monde l'écoute avec moi. Je voulais que quelqu'un rit des morts de bébés, de l'avortement. Mais tu m'avais tellement primé, puis je l'ai écouté avec ma blonde, que finalement, il est pas si pire que ça, finalement. Non, mais c'est bien fait. Non, mais c'est parce qu'il fait bien. T'sais, il approche ouais. des sujets vraiment, vraiment bien. Là. Comme le droit, tu sais, c'est quoi la passe, là? It's either taking a shit or killing a baby. Puis là, après ça, il y a une passe. C'est quoi la passe? Pour toi, dit, c'est taking a shit. Pour lui, c'est killing ça. A baby. Puis là, après ça, c'est comme people are freak. Il dit, le monde est freak out en avant des places à abortion. Hein, puis ils sont tout le temps toujours fous. Puis il est comme, ils pensent que tu tues des bébés. Ils ont le droit de penser ça. Et nous, jamais qu'ils touchaient des sujets vraiment bien. Mais ouais, Riverdale, fucking bon. Ben mieux. C'est quoi le show, là, ce qui est comme... Il y a comme un genre de monde noir en dedans, puis... Dear White People? Non, il y a un show, là, c'est comme un Underworld, puis un Overworld. Stranger Things. Oui! T'as aimé mieux Riverdale que Stranger Things? Riverdale, c'est tellement mieux que Stranger Things. Tu vois Things, qu'il troll n'importe quoi. Tu le vois dans son show. Ah, mais t'as vu comment j'embarque plus à Star, tu sais? C'est comme... Il sait que Riverdale, c'est de la crise de mort. Non, wow! D'une certaine façon, on pourrait jouer la game à Eric et dire oui, parce que Stranger Things, c'est très niche, on s'entend. Puis Riverdale, ça a un petit côté plus... Très assumé. Oui, assumé, mais plus... C'est ça que j'aime en passant. C'est plus c'est très overall, kid. C'est mais fait pour tout le monde. Moi, je vous l'annonce en primeur, là, Riverdale, c'est le upside down de Stranger Things. Puis à cause de Barbara. Barbara est là, en forme de fucking Ethel. Drop the mic, man. Welcome to upside down, bitch. Je te le dis, Ethel, Barbara va réapparaître dans saison 2 de Stranger Things, puis comme, I don't know, I was in this other place where I was Ethel entouré de roux. Archie, ouais. But it wasn't the Archie that we knew, he was buff. Mais faut pas Riverdale, peu, c'est bon, mais c'est excellent. Ça devrait être appelé d'autre chose que Riverdale. Archie? Qu'est-ce que tu veux embarquer? Il devrait embarquer, avoir là? Aucun fucking lien. Non, mais c'est parce que c'est ça l'affaire que le monde ne comprenne pas de puis Riverdale. En passant... Tu me coupes, là. Non. En passant, Stranger Things, par les trois places, est très beaucoup, beaucoup mieux coté que Riverdale. De quoi tu parles? Rotten Tomatoes, Bounce et Review, lui. Non, mais parce qu'il dit quelque chose qui n'a aucun sens. Hey, c'est du Archie bashing que tu fais, Milter. Non, j'adore Archie. Il a dit, tu vois pas bien qu'il est en train de troller? Puis lui, il va sortir des stats pour défendre Riverdale. Mesdames et messieurs, pour défendre Riverdale. Mais juste vite fait, Riverdale fonctionnerait pas si ça serait pas Riverdale. C'est ça l'affaire. Le fait qu'il y a des petits liens à un univers qu'on est tout familier avec. Parce qu'ils ont truqué tout avec. Le monde. Puis là, tout le monde a vu le premier épisode. Ils ont fait, c'est pas Archie, mais je veux savoir c'est qui l'a tué dans le trou. Une chance que ces gens-là, ils écoutent pas Archie Afterlife Zombie Shit. Genre, non, c'est ça c'est bon. Au moins, les personnages sont fidèles à eux-mêmes. Mais ils sont fidèles à eux-mêmes dans Riverdale. Nope. Trouve-moi un exemple. Tout le monde. Exemple. Archie. Mais qu'est-ce qu'il y a, les Pussycat Dolls, là, que j'ai oublié. Mais les Pussycat Dolls, quoi, à cause que c'est trois femmes noires? Ben, en partant, Ils font du punk rock d'habitude, ils font pas du Chris de qui R&B. Qui a dit qu'il fait du punk rock? Man, t'as jamais vu les films, t'as jamais entendu les films, paroles. Les films, il y en a rien qu'un. Avec Rachel Lee Cook. Rachel Lee Cook. Josie and the Pussycats. Hey, ça, c'était du whitewashing des Pussycats, man. Ben là, c'est du blackwashing. Bon. Ben au moins, Josie. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont faire un show sur Sabrina the Teenage Witch. Respect the source material. Ils vont faire un show sur Sabrina the Teenage Witch. Respect pas le... By the way, t'es jamais posé la question. Ils vont caster Melissa Joan Hart? Calice. Où est-ce qu'on va s'en aller? On va se dire les vraies affaires. Là. Archie pogné avec les deux filles les plus belles dans le secondaire. Là. À quelque part, il était quelque chose. Là. Puis c'est pas un dessin. C'est pas ton interprétation de lui et sa jalopie qui va changer ça. Il y avait Veronica et Betty qui se battaient pour. C'est pas les deux plus belles quand tu check Cherry Shows. Là. Cherry était là deux années. Cherry est à vomir, je m'excuse. Ben non, Cherry est pas dans les personnages. Dans la télé, tu parles? Ah, je suis pas capable. Puis dans le comic, était très les Cherry Blossoms, ça, quand il était là, son frère la journée, puis elle. Si je voyais, ouais, si il était là, juste un peu, mais il était là, il était au même point. J'avais un râteau. Reggie. Mais t'es au courant que Cherry Blossom, quand elle est arrivée, c'était une troisième chick qui était supposée triper sur Archie, là. Oui, puis ça a pas été. Puis ils l'ont enlevé parce qu'elle était trop sexuelle, puis rousse, ouais. Fait que c'est ça. Juste un coup de râteau dans la face. Elle est fucking belle, Blossom. Ah, je suis pas capable. Ah, je suis pas capable. Tout c'est à cause de l'attitude. Moi, en ce moment, je pense juste à son lipstick à l'érable. Bon, ok, on va régler ça simple. Gag reflex. Le monde sur Facebook, le pouce, c'est pour Betty, le cœur, c'est pour Veronica. Puis la face de bonhomme fâché, ça va être Cherry Blossom. Bon, ok, je vote pour moi, ma blonde. Milter, fuck you. Milter est en train de spammer. Ben non, c'est moi qui spamme. C'est moi qui aurais voté pour Betty. Bon, ok, fait que. Moi, de mon bord, c'est bien plus simple. Premièrement, je vais faire un shout-out à Akfin Studio sur Twitch. Un gars qui il nous a aidé une couple de fois à réparer nos shit. Très connaissant de Twitch. Puis, commencer à streamer un peu avec. Puis, aller jouer à PlayerUnknown's Battleground, qui est mon sujet principal d'actualité. Donc, PlayerUnknown's Battleground. C'est-tu comme un H1Z1 plus beau, ça? Plus beau, c'est relatif. OK, check. C'est un H1Z1. Mais basé très fortement sur un DayZ avec un engine différent. Puis c'est super cool. Tout le monde embarque sur un île. C'est 100 joueurs sur une map. Tu peux jouer solo, en duo ou en team de 4 et non de 4. Donc, Milter, je t'ai vu joiner, man, pour aller teinter le chat. How dare you? Fait que tout le monde embarque dans cette map-là. Puis ensuite, c'est une bataille royale. Donc, tu débarques, t'es parachuté d'un avion. Faut que tu trouves du loot. Et à chaque, je pense, c'est 2 ou 3 minutes, la map se resserre sur elle-même. Donc, ça force les gens à se rapprocher pour aller se battre. C'est fucking stressant comme jeu. Tu te promènes, t'entends tous les sons, tout le kit. Tu peux trouver des véhicules, mais si t'es dans un véhicule, t'es à découvert instantanément parce que tu fais du bruit et t'es visible. Le monde peut te sniper. J'ai du fun noir à jouer à ça. J'ai arrêté... mais j'ai décroché solide d'Overwatch à cause de ce jeu-là. Présentement, c'est un jeu qui se détaille 36$. C'est un Early Access. C'est juste PC, hein? Ouais, c'est juste PC. Okay. C'est un Early Access de PC de 36$. On dit for now, mais... Moi ça m'a juste fait réaliser une affaire. Chris, les Early Access, là, on se dit tout le temps, « Ah, c'est pas grave, un moment donné, il va être optimisé. » Non. Il sera jamais. Il sera jamais optimisé. Mais je pense que tu veux même pas que ce jeu-là soit optimisé parce qu'il y a, du charme dans son charme. Ben, ouais. C'est ça. Fait que présentement, j'ai du gros fun avec ça. On stream souvent sur la chaîne d'Akoufen. J'embarque avec. On fait des games. Sinon, avec Max aussi, sa chaîne du collectif. Ça a remplacé votre jeu de dinosaure, ça? Ça a remplacé Ark. Solide. Malgré que Ark, je vais me répéter des games avec Milton. Ouais, aussi, by the way, Ark a une mode Battle Royale aussi. Oui, King of the Hill, je pense, quelque chose dans le King of the Hill, c'est H1Z1. Non, mais il y a Ark dans l'extension qu'ils ont vendu là, ouais. Du Early Access, ouais. Là, il y a un mode... Mais là, t'as ouvert une petite porte, là. T'as dit de lâcher Overwatch. Ouais. Mais on n'a jamais su ce qui s'est passé avec votre Montreal Overwatch League. Ben, c'est dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Ça continue encore? Ben non, nous autres, on s'est rendu dans les quarts de finale, dans le meilleur joueur, dans les meilleures équipes de Montréal. Rendu ou tu fais juste t'inscrire dans le quart de finale? Non, on s'est rendu dans les quarts de finale. Puis on a été éliminé par une équipe sponsored là, qui s'entraîne à 24-24. Genre Concordia Esports. Concordia nous ont calissé une race, puis on n'a jamais eu la chance de gagner. Mais, true story, funny story, On n'arrêtait pas de dire qu'on est sponsored par Olimel. Et Olimel a liké une des publications du collectif. Donc, un des streams d'Overwatch. Olimel, si vous écoutez, on veut encore faire un partnership. Si le monde aurait su ma vision de ce groupe-là, hein. On aurait eu un paquet de mes croquettes, c'est sûr. Mais je dis ça de même, là, Olimel, mais dans PlayerUnknown, quand on gagne, c'est winner, chicken dinner. Ouais. Chicken, Olimel poulet moins, eux autres. Mes enfants mangent beaucoup de viande froide. Ça serait le fun d'avoir de la viande froide. Pendant que des podcasts comme Rétro Nouveau, ils pognent des sponsorships de River Bend pour de la bière. Nous autres, on vise haut, man. Nous autres, on vise Olimel. Pour des sandwichs. On veut des sandwichs. On va tout manger à Franchot Pérus. Ou des croquettes de poulet. On a faim. Oh, ouais. By the way, la bière River Bend est écœurante. Pire, Olimel, si ça passe dans 3 jours, là. Ah oui, on va le manger avant le 3 jours, c'est correct. Donc, en réalité, c'est ça. Fait que PlayerUnknown's Battleground, pour les intéressés, ben Akufen est en train de streamer live là. Fait qu'après le podcast, vous allez pouvoir aller voir sa chaîne. Donc, guys, c'était vraiment l'actualité. Fait que on start dessus le sujet principal. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un sujet principal. Hey, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Guillaume, mets la table. Je mets la table. Donc. Récemment... Dans le micro de préférence. Oui, dans le micro. Récemment, on a parlé des films blockbusters de l'été 2017. C'est une tradition qu'on a au collectif depuis quelques années. On a aussi comme tradition, parfois, de parler du fameux E3, qui est la grosse conférence de l'industrie, qui s'en vient. Puis là, cette année, on s'est dit, on va faire une petite twist là-dessus. Moi, j'ai amené ma vision de la petite twist, puis André, en tant que gourou en chef, il est arrivé avec une vision twistée, ma vision twistée. Donc, on va parler des jeux à venir en 2017, les gros noms. Puis je tiens à faire une parenthèse. Avant de commencer, on va surtout parler, malheureusement, peut-être pour certains, heureusement pour d'autres, de jeux major. Puis c'est un peu une problématique de l'industrie. Un jeu qui est publié par un major va avoir énormément de publicité, énormément de trailers, énormément de couverture, alors qu'un jeu comme, mettons, Flint Hook, qu'on a nommé plus tôt, ou n'importe quel autre jeu d'une compagnie indépendante, malheureusement, n'aura pas la couverture. C'est blockbuster, là. C'est que si peu, on joue, on parle pas de votre jeu, vous êtes une compagnie indépendante, prenez-le pas personnel. C'est tout simplement que, quand j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas d'informations disponibles dans le mass market media. L'équivalent de Get Out aux jeux vidéo ne sera pas nommé. Mais on vous invite par contre à nous écrire et à nous en envoyer. Si vous avez des idées, des jeux qui vont être publiés, comme exemple Flint Hook, puis je me sens mal de le nommer juste lui, mais je ne suis pas un gros connaisseur. Eric pourra en nommer plein d'autres mouillés plus encyclopédiquement à ce niveau-là. Mais envoyez-nous-les, commentez-les, utilisez la page du Geek Collectif. Faites-le savoir, ça va me faire plaisir d'en parler. Malheureusement, aujourd'hui, on a surtout des gros jeux. Des blockbusters, comme Eric le disait. Donc, on va parler des jeux qui s'en viennent à partir de la date maintenant de l'enregistrement. Donc, pour ceux qui nous écoutent dans le futur, nous enregistrons le 2 mai 2017. Donc, si le jeu est sorti une semaine à passer ou il y a un mois, exemple Zelda Breath of the Wild ou Horizon Zero Dawn, on n'en compte pas parce qu'il est déjà sorti. Donc, ou si vous êtes en 2047 puis que les coquerelles ont pris le contrôle de la Maison-Blanche. Après avoir tué les singes. On est prêts à s'incliner devant vous, Maître Coquerelle. On vous respecte beaucoup. Puis j'espère. Gloire à vous. Puis c'est ça. Donc, est-ce qu'on commence en parlant Hell des jeux? The Cockerel Master en langage. Vient, ou tu veux commencer sur la validité de tenir un E3 pour nous annoncer les jeux à venir? Ah, ben, si tu veux vraiment déraper là? On va starter avec la grosse dérape. Là. Puis ça, c'est une question que j'ai discuté avec vous autres avant de débuter l'enregistrement. Là, mais quand j'étais kid, je voulais aller au E3. Moi aussi. J'ai eu la chance d'aller au E3. Bon, check l'autre là, qui en parle. Là, ben, plus tard, pas étant plus kid. Plus tard, pas étant kid, effectivement. Ça, c'est sa mère, il a mis un billet d'avion dans les poches. Elle a dit décaliste, mon petit kid. Passe la semaine. You go, boy. Essaye de te perdre, s'il vous plaît. Mais où je m'en vais avec ça, c'est que, tu sais, mais ça, c'était dans un temps où, pour se renseigner sur les jeux vidéo, il fallait que tu ailles au dépanneur, lire les revues jusqu'à temps que tu te fasses caliste Edouard ou que tu en achètes ou que tu t'abonnes si tu faisais partie du 1%. Donc, Chris vient vraiment de faire ça. Je me dégoûte moi-même. Donc, t'abonnes? Oui, oui, c'est s'abonner. Mais en réalité, là, ce que je me rends compte, c'est que plus je vieillis, plus je vois le E3. Puis le E3 s'est transformé. Il y a beaucoup de studios qui ont walk out du E3, qui font leur propre affaire en même temps ailleurs. Il y a de l'information qui est dévoilée à n'importe quand dans l'année. On dirait que c'est comme... Je me posais la question, je voulais avoir votre opinion là-dessus un peu, puis je voulais qu'on en discute, mais selon vous, c'est là la question, là, c'est la question qui tue. Selon vous, braves gens autour de la table du collectif, est-ce qu'il y a encore une raison d'être pour le E3? Oui. OK. Oui. Pourquoi? Toi, t'as pas répondu. C'est ça, je t'ai mis sur le spot. Moi, je dis oui parce qu'Eric a dit oui, puis il connaît ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je dis oui parce que côté marketing-wise, c'est pas essentiel, mais ça donne de la visibilité, ça donne un peu du power. Puis ça, c'est une base de marketing de tout. C'est pas rien que les jeux vidéo, mais si t'as un plus gros kiosque que l'autre gars à côté, mais tu montres que t'as plus de power, t'as plus de pouvoir d'achat, t'as sûrement plus de budget pour ton jeu. Le gars, il est plus impressionné, ou je veux pas dire, il est plus la patte graissée, mais ça peut arriver aussi des fois, j'imagine. Ça a sa raison d'être dans le côté divertissement pour certains, voir les nouvelles, voir les live shows. Tu sais, le E3, c'est jusqu'à cette année, André, comme tu dis, que le public n'a pas accès. Ben, il y avait déjà eu des instances où le public avait accès. Maintenant, ils ont remis l'accès au public cette année. Très sur limité, par contre. Mais c'est ça. Juste le show floor. C'est mais ils ont aussi déjà eu le E for Everybody. Ouais, des merdes E for All. Mais pendant qu'ils faisaient ça, il y avait, pendant un certain temps, qu'est-ce qui a ramené un peu le hype du E3, c'était qu'il y avait des shows comme à G4 qui faisaient des lives comme quasiment 24 heures sur 24 live du E3 avec des entrevues, avec des affaires de même. Puis il y en a plein sur le web. Hey, imagine des gars un rendus. Jour, si tu parles de jeux vidéo, c'est à télé payante. Ce serait fou. Hein? Ah, c'est vrai, ça a passé. Ouais, ben c'est un peu ça. On est rendu après ça. On est rendu où? Avec l'air de TwitchCon, de Twitch. Ben là, ça a son côté affaires. Pour ça. C'est là que je veux en venir. Moi, dans le fond, oui, le média a changé. Mais il faut encore que tu promouvoies ton shit. Puis que tu montes ton image de marque. Mais est-ce qu'il y a encore besoin d'un vendor show où tout le monde est là en même temps? Oui, je pense que le vendor show va toujours avoir sa place dans le même sens que le GDC va avoir sa place. Mais... dans le même sens que... pas le GDC, mais t'as aussi le CES. Parce qu'avant, on va l'oublier, là, mais avant le E3, c'était tout dans la même pile au CES. Le Consumer Electronics Show. C'était au Consumer Electronics Show. Puis Consumer Electronics Show est encore très vivant puis très cool même, là. Je pense qu'il y a de la place pour ça, mais je pense que éventuellement peut-être retourner aux sources pourrait être bien. Mais moi, j'irais... Mais retourner dans le CES, là, retourner dans... revenir avec ce qui était le CES. Là, le moi, je vais y aller vraiment far-fetch. Là. Je vais faire sortir mon côté un peu communiste. Wow! Mets le thème de la Russie en avant-back. Un saut! Je vais y aller. Attends. Okay. On y va? Hein? Y'a-tu le droit? Ok, vas-y. Ok. Je savais pas si j'allais me faire fusiller quelque chose. Mais je dirais le E3 tel qu'il est maintenant, puis parce que tel qu'il est maintenant, je sous-entends un peu ce qu'André a sous-entendu tantôt. Donc, c'est un show de sort ta grosse graine. Genre, plus, c'est un gros show floor. C'est moi qui ai sous-entendu. C'est toi, je pense que c'est André. C'est moi qui ai parlé de grosses graines. Que tu je trouve que ça n'a pas sa place. Parce que pour un... je parlais, je pense, c'est... directement avec Yannick Belzile de Tribute Trois Games. Trois bières aussi. Qui, eux, avec leur compagnie, vont souvent dans des shows. C'est très cher. C'est très, très cher. C'est des grosses dépenses pour les compagnies. Moi, ma vision, c'est un show comme le E3 est important. Un showcase de l'industrie est important. Mais moi, le showcase idéal serait tout simplement... Il y en aurait, là, en ce moment, il y en a plusieurs quand tu penses, exemple, au PAX. Tu as le PAX South, le PAX East, le PAX East, West. Tu as le PAX Australia. Tu as le PAX East. Mais le problème, c'est que sont brandy PAX. Un show, l'idéal, c'est un show indépendant. Un exemple, le GDC. Mais tu en aurais un au Canada, East Coast, au Sud, West Coast, au Centre. Mais je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a une visibilité égale. Que quand tu es sur le show floor, que tu sois Nintendo, Sony ou les jeux indépendants, que tu sais, tout le monde soit traité égal, qu'il n'y ait pas de... Mais la question, est-ce qu'il y a de la place pour un 3? Mais ça dit... Non, il n'y a pas de la place pour un 3, mais il y a de la place pour mille et une autres expositions. Non, moi, dirais... En URSS soviétique, tous les jeux sont égaux, Eric. Moi, je dirais juste, il n'y a pas de place pour le 3 tel qu'il est maintenant, parce que malheureusement, c'est plus tu as du cash, plus tu peux faire chier tout le monde. Mais c'est correct, ça. Mais c'est... moi, idéalement, pour le fan de jeux vidéo, les gens qui veulent avoir accès aux informations puis donner un genre de... donner un coup de pouce à ceux qui font de la qualité, ben j'en parlais dans mon préambule un peu, mais qui n'ont pas de visibilité. C'est pas tout le monde qui a la chance. Ils sont capables de rider cette vague-là sur le côté. Ils sont mis dans une catégorie à part, justement. Puis pour prendre l'exemple de Tribute, jamais quelqu'un va comparer Flint Hook à Breath of the Wild. Non, mais il y a plein de gens qui aimeraient ça jouer à Flint Hook, mais qui... Ça va prendre peut-être 6 ans avant qu'ils sachent que le jeu existe, mais si on avait une plateforme, on s'entend, on parle dans l'utopie. Dans 6 ans, Tribute va recevoir un petit 15$, ça va être comme « Ah, cool! » Mais moi, je pense que ça serait le fun, un jeu de l'industrie. Ce jeu-là va encore! Un show de l'industrie où tout le monde a sa chance, sans avoir à faire faillite parce que tu pognes un genre de 10 pieds carrés de boot. Mais est-ce que ce 10 pieds carrés de boot-là coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'intérêt envers ça? Tu sais, je te donne un exemple. Tu dis, ouais, mais quand ça serait le fun dans une utopie soviétique où l'URSS des développeurs de jeux vidéo, genre tout le monde a un boot de 4x4, puis peu importe qui t'es, ben, t'as le même espace. Ouais, mais enlève le 300x300 de Sony, puis le 300x300 de Microsoft. Ouais, mais il y a des mais c'est ça qui le rend remarquable, peut-être. Comme, puis en plus, là... Des compagnies qui font de quoi à part du E3, là, pis c'est comme, Nintendo, bizarre. Ils font pas de conférence. Blizzard, bon, mais Blizzard, ils ont le BlizzCon. Oui. Mais il y a des annonces. Conférences, tu sais. Les autres, ils ont des annonces, là, qui se font quand même alentour de ça, là. C'est juste mis sous le côté. Il y a du monde, ils vivent. Mais ça serait le fun si tout serait. Moi, je pense que ça serait le fun si tout est dans le show. Non, mais pourquoi. Tu parles uné tout le monde dans un sens. Exact, là. Tu sais, il y a un gros. Tu parles comme un Montreal Comic Con, mais que là, t'as le main stage, puis là, à 1h30, c'est Microsoft, à 2h30, c'est Sony, à 3h30, c'est Tribute, à 4h30, c'est Bethesda. Mais non, mais je comprends que Tribute, t'avais moins à montrer qu'Ubisoft. Tu viens de décrire le E3. Est-ce que je viens de décrire le 3? Oui. Mais si les gens quittent l'événement pour aller diffuser ailleurs, Eric, est-ce que ça reste encore ce qu'on vient de dire? Mais c'est qui va dire? C'est qui est dans ce moment? Ubisoft. Ubisoft, ils sont plus là. Mais non, Ubisoft, ils ont toujours été à l'externe. Ouais, mais parce qu'ils passent à travers. Ils ont un boot dans le E3, mais toutes leurs conférences de presse sont à l'externe. Mais ils sont quand même dans le hype de qu'est-ce qui est le E3. Ce qui est, c'est qu'Ubisoft, ils ont beaucoup d'annonces qui sont faites pendant, exemple, le show de Microsoft ou pendant le show de Sony. C'est ça. Comme, mettons, les Call of Duty. L'Activision n'est plus au E3 non plus, mais ils vont faire des annonces pendant le show de Sony et autres. Puis ils ont un boot. Ouais, mais nous, on n'est pas sur place. Tu sais, quand tu écoutes. Non, mais il y a des journalistes sur place, là, c'est ça que c'est, là, c'est ça le but. Ouais, mais quand t'écoutes tes coverage, là, souvent tu vas pogner les conférences. T'sais, on s'entend quand on fait nos. Je cache ce que tu veux dire. Tu regardes la conférence sur Twitch. Tout ça pour dire que le E3 tel qu'il est maintenant, selon moi, est loin d'être parfait, mais un événement de l'industrie. Le E3 n'a jamais été parfait en passant. Ça fait 20 ans qu'il se réinvente. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que la question, André, est-ce que le E3 est encore d'actualité? J'ai trouvé un article de Kotaku qui dénonce certains exemples. En 2011, la BBC, pas n'importe qui disait E3, Is Video Game Expo Past Its Prime? On parle en 2011. Puis là, tu avais. J'ai trouvé un article en 2012, de Next Gen en 99 écrit sur papier. Ben oui, mais ça, qui veut dire la même style d'affaires. E3, 2012, GameSpot. E3, It's Not What It Used to Be. Puis là, tu avais Games Radar en 2013. E3, Is E3 Still Relevant? Fait qu'on s'entend, le E3 est questionné depuis. Depuis 20 ans. De façon web, nous, là, ça fait plus que. Qu'on apprenait du E3 deux mois après que ça s'est passé, qui questionnait le relevance. Ouais, mais du Guillaume, E3, qu'est-ce là. Qui a raison? C'est toi, comme tu dis, les gars, il y avait une raison d'y aller parce que ça prenait deux mois avant de collaborer l'info à tout le monde. Puis nanana. Non, mais des vendeurs, ils ont intérêt de vendre leurs produits. Oui, le vendeur, je suis d'accord avec toi pour ça. Sauf que qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? C'est que pour un gars, un journaliste ou whatever, qui va là-bas pour regarder ou quelque chose, ça vaut-tu la peine ces dépenses-là? Quand que dans les 30 minutes après qu'il ait dit l'affaire ou montré l'affaire... Ah non, ça vaut pas la peine. Ah ben c'est ça. Mais ça vaut la... Pour le vendeur, oui, ça vaut la peine. Mais je trouve quand même là, que dans la période du début de l'été, là, juin, comme que ça se passe, il y a un gros intérêt, puis c'est normal parce que ça vend des produits qui vont être vendus à Noël. Il y a un gros intérêt pour le marché des sous, des acheteurs. André, quand il allait, c'était pas pour être journaliste, il allait pour des raisons business. Puis c'est normal qu'il y ait des événements qui font ça. Est-ce que tout le monde doit y aller? Absolument pas. C'est ça. Mais est-ce qu'il doit avoir des rencontres où ce que Sony dit, OK, ça c'est notre plan d'action, puis ils font une affaire. La manière qu'ils vont le faire. Mais même là, d'un point de vue business, est-ce que le déplacement d'aller là-bas puis de rencontrer. Moi, je trouve... Si c'est eux autres qui payent, no problem. Ben, si c'est ta compagnie qui est pognée à payer pour aller voir le stock que tu vas acheter, je suis pas d'accord nécessairement. Oui et non. Moi, je trouve que... Puis, je vais me permettre là, de l'exprimer mon point de vue. Le il n'y en est pas question. Le 3 est un très beau concept. C'est un concept qui vieillit mal puis qui est en train de rechercher un petit peu son identité. Moi, je considère que le 3... Je sais pas si c'est le 3 qui est important puis qui est nécessaire. Le 3, c'est plus... Dans le temps, le E3, c'était ça. Fait qu'on se réassocie au nom parce que on est habitué d'avoir une ça. Un genre de legacy, ouais. Mais je sais pas si la pertinence est toujours aussi là dans la forme actuelle. Parce qu'effectivement, c'est un vendor show, c'est correct. Puis dans le temps, c'était les médias. Puis ce qui a rendu ça un peu plus alléchant à la communauté, c'est que c'était exclusif. D'un, c'était loin. Personne pouvait y aller. Fallait que tu rentres là dans des certains critères spéciaux. Puis ils ont comme créé le Insiders Club qui a fait que les journalistes ont réussi à marketer l'idée que ben, si t'es pas au E3, tu ne l'auras pas en premier et tu ne sauras pas telle affaire. Mais il y a plein d'autres shows qui existent aussi également. Le produit, c'est un point que tu viens de dire là, c'est que c'est aussi un produit qui est cool. Tu sais, je sais pas si moi, là, ma job, là, sans trop dire qu'est-ce que je fais, là, ben, on a 3 à 4 showcases par année qui sont quasiment plus gros, des fois plus gros que l'E3. Il y en a, c'est à Chicago, à New York, en Europe. Mais c'est des conventions, il va toujours en avoir. Ouais, mais c'est vraiment un trade show de showcase. Ben c'est ça, ben c'est... À la base, qu'est-ce qui est monté, l'E3, c'est un trade show. Ben, c'est ça, c'est de la sécurité partout, de la porte de garage. C'est plate, tout mais là, monde... c'est un jeu vidéo. Ouais. Fait qu'en partant, t'as c'est plus cool. Foule, ouais. Mais moi, ce que je me questionnais, c'est, tu sais, encore une fois, c'est important, là, selon certaines personnes, d'avoir l'emplacement physique, d'avoir le Great Wall à chaque année, qui est le bout de Sony d'un bord, le bout de Microsoft l'autre bord, puis les Smart, puis de Nintendo l'autre bord qui font leur... Mais est-ce que, avec l'arrivée de... Je prends un modèle, Eric, t'as mentionné quoi qui tient à cœur en plus, mais BlizzCon, qui font... Le show de Blizzard, puis qui vendent des billets, tu peux l'écouter en ligne, puis tu le quittes. Moi, il y a une affaire que je comprends pas encore aujourd'hui. C'est une exception, 2017, ça, par contre. Pourquoi? Ouais, mais non, il y a Minecon. Pourquoi mais est-ce que le E3... Je vais juste finir. Pourquoi est-ce que le E3 ne ferait pas une chose comme ça un peu? Je ne catch pas pourquoi, puis ils n'ont peut-être pas besoin de le faire, mais je vous explique. BlizzCon, on peut acheter une passe, on a un behind closed doors, on a accès à des affaires, tout le kit, puis tu sais, c'est un moyen d'y assister puis de l'avoir en primeur. Oui, ok, tu peux aller sur GameSpot après, puis tu vas avoir le live tweet wall de tel Joe Schmo qui va t'expliquer qu'est-ce qui est passé à BlizzCon, mais pourquoi le E3 ne le ferait pas eux-mêmes directement? Parce que là, si tu vas avoir le live coverage fourni par Twitch, là, tu vas avoir GameSpot qui font leur affaire, puis telle affaire. Puis ils font comme... puis à la limite, c'est pas cave parce qu'ils n'ont pas à payer pour ça. Mais... c'est les journalistes qui vont tout fronter puis faire l'organisation, mais... je trouve que ce qu'ils font cette année d'ouvrir le show floor au public, qu'ils ont déjà fait avant, mais ils l'ont fait à chaque fois où le attendance était critique, puis qu'ils essayent comme de sauver les meubles un peu parce que ça coûte très cher. Ils veulent revitaliser l'affaire. Puis ça génère beaucoup de jeunes en ville, mais moi, où je me questionne sur le relevance du E3, c'est, ben crème, vous voulez essayer de faire une entrée de cash flow pour sauver votre événement, pour essayer de sauver les meubles et d'essayer d'aider les affaires de même, ben tu sais, limitez pas nécessairement. L'exclusivité, je pense qu'elle n'est plus là avec le temps. Puis le E3, il est peut-être temps qu'ils comprennent ça. L'exclusivité d'être au E3, c'est plus hot. C'est plus aussi hot que ça l'était avant parce que 30 secondes après, je peux l'apprendre sur Internet. Exact. Donc, pourquoi ne pas trouver un moyen? Prends tout le monde là, autour de la planète qui serait prêt à la limite de payer un 5-10$. Puis tu as du contenu fait par le E3, fourni par le E3, très rapide. Parce que là, les conférences de presse sont fournies par Microsoft, les affaires de même. Puis là, tu peux l'écouter sur IGN, sur Twitch, sur GameSpot, sur peu importe. Là. T'as même des resellers qui vont faire ça. Moi, j'aime le côté d'avoir des opinions différentes. Mais c'est quoi la question? Moi, je me pose juste la question. C'est la formule. En fait, c'est qu'ils gardent la même recette au fil du temps, le E3. Puis à chaque année, l'attendance est chambranlant un peu. Ils se posent la question. Puis quand t'es là-bas, là, l'organisation elle-même ne peut même pas te dire si c'est la dernière ou pas la dernière. Les grosses rumeurs qui circulaient, c'était que le contrat était signé avec le Palais des Congrès de LA pendant X nombre de temps, mais que quand l'entente va fermer, ben ça se pourrait que ça passe pas là. Après ça, c'est que ça crée des jobs, des retombées sur le tourisme, etc., etc. Mais il y a un moyen de capitaliser là-dessus puis de prendre le hype, parce que présentement, là, c'est comme s'il y avait plein de micro-climats puis micro-cellules qui s'occupaient de faire ça. Puis c'est disparate, puis ça pourrait être beaucoup plus gros pourrait maintenant. Être mieux organisé, mieux. Ouais. Ça, je comprends ça... pas où ce que c'est pas organisé en ce moment. Moi, l'être mieux. T'es-tu allé? Ben non, mais non, c'est parce mais que je peux pas parler à la place de quelqu'un qui est allé. Non, mais en réalité, c'est organisé. C'est t'as... Non, mais t'as raison que c'est organisé, mais. Pas c'est, aussi c'est, bien c'est que trop ça pourrait être. C'est trop cowboy, c'est trop. C'est trop. De c'est comme si t'as un gros chantier, puis t'engages 40 sous. Il a posé une question, puis après il a parlé pour 5 minutes, puis on n'a pas pu répondre la première question. T'as parlé pour 20 minutes avant? La raison. J'ai le timer avant de moi. On arrête tout de parler en forme, ça. Fait que pourquoi que Blizzard peut faire ça? Parce que Blizzard, c'est une brand qui fait pour des milliards de dollars chaque année juste à eux-mêmes. Mm-hmm. Nintendo peuvent le faire eux autres aussi. Eux autres, ils font leur fan service, puis leurs fans, puis ils n'ont pas besoin d'un expo jeu pour une affaire comme le E3 Blizzard. Fait que tu gradues out. Sony aussi, non? Sony, eux autres, ont des affaires. Ils ont des affaires à Tokyo aussi. Mais c'est surtout en Europe. Rendu là, t'as le GamesCon en Europe. Là, ouais, comme mais ça, c'est des public shows, mais ils ont des private shows aussi. Mais ça change pas que. Mais je pense que t'as pas compris récemment ce que je disais. C'est que je dis pas que c'est mal. Je dis juste que ils pourraient faire quelque chose eux-mêmes. Parce que, gars, c'est pas normal. Ils feraient, d'abord. Non, mais ils pourraient juste agglomérer tout ensemble. Eux autres, ils ont un chantier, puis ils ont les gars compétents pour faire de quoi, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils engagent 40 sous-contractants à place de prendre leurs gars compétents. En fait, ils engagent même pas. Ils laissent le monde faire la pub pour eux. Regarde, prends Microsoft. Ils vont streamer eux-mêmes leur affaire dans une pièce à l'extérieur du E3 qui a rien à faire. La seule coïncidence qu'il y a avec le E3 et la conférence de presse de Microsoft, c'est que c'est la même semaine. Puis c'est ça. Oh, mais il faut exprès pour ça. Fait que c'est la seule affaire. On regroupe le monde. Du hype. Puis t'as d'autres affaires. Fait que, tu sais, tout ce que je dis, c'est pourquoi le E3 a pas son official live stream, telle affaire. Tu sais, là, ils l'ont sous-traité à Twitch l'année passée, puis ça commence à avoir l'allure. On a eu le droit d'avoir la face du gars de PlayStation qui était fucking rassurant. J'ai hâte de voir cette année. Il va en avoir d'autres. S'ils gardent encore un partenaire officiel qui s'occupe de tout ça, versus, tu sais, les micro-agglomérations, puis tout le kit. Moi, je pense qu'ils vont avoir peut-être catché quelque chose parce que j'ai l'impression qu'à chaque année, le E3, là, t'es comme Chris, c'est la dernière année. Mais je me sens comme le E3 est toujours en train de. Le concept du E3 est en train de se battre avec le nouveau média. Ben, c'est ça. Il devrait pas se battre, il devrait embrace. Mais il embrace. Mais je pense qu'il y a une transition quand même oui, qui s'est faite. Parce que moi, c'est ça que je fais à chaque année depuis 2 ans. C'est ça. Surtout l'année passée. C'est comme j'ai le stream de Kind of Funny qui font du genre live commenting. Puis il y en a d'autres, ça va être du Giant Bombcast ou peu importe. Giant Bombcast, c'est bien mieux, là. On n'est pas là pour parler de ça, mais peu importe. C'est pas des petits jeunes pousseaux là, qui viennent juste de sortir de leur... Exact. Ils viennent de payer, là, ils payent encore mais des ça loyers, peut être les Achievement Hunters, ça peut être Funhouse, peu importe, tu sais. Mais... Hey, les gars, on fait-tu un live stream commenting? Non. Ben, faites que notre Patreon soit 40 000 par mois, on va le faire, inquiétez-vous pas. What's next? Moi, un game show, award game show? Mais non, c'est qu'avec les, c'est ça, c'est qu'on a comme des YouTubers slash nouveaux médias qui live comment, les streams. Du, c'est que tu sais, il y a comme un troisième layer. On est, nous, en tant que visiteurs, on a le troisième layer parce qu'il y a comme le middleman. En direct, pas 3 mois ou 2 mois après, comme dans 90. Pas 2 jours après, comme en 2000. Ou pas comme une journée après, comme il y a 5 ans. C'est en direct. Ouais, c'est que ça, c'est cool. Mais... Puis c'est sûr que. Moi, à cause de ça, j'ai de la misère à comprendre pourquoi tu irais faire le line-up pendant 3 heures on-site pour essayer quelque chose. Mais le monde qui font un line-up pour un jeu, c'est un festival rendu là. Comme tu vois là pour dire j'ai essayé ce jeu-là, tu vois là pour dire que j'ai essayé le comme le Comic-Con, c'est le fun, l'ambiance d'avoir du monde qui aime la même affaire que toi. Oui, mais c'est que l'affaire, c'est que c'est 10 fois pire que Comic-Con parce que justement, tous ceux que je connais, pas qu'eux me connaissent, mais que j'ai écouté, qui disaient qu'ils ont été... Si tu vas là en tant que visiteur, tu n'auras jamais le temps. Si tu fais des line-up. Si t'es pas VIP, tu vas jouer à 2 jeux. C'est ça. Dans exact. Une journée, c'est la seule affaire. C'est puis que tu vas jouer 10 pas. Minutes. Tandis que dans un Comic-Con, même à San Diego, à New York, qui sont les deux tu plus gros Comic-Con, ouais. T'as le temps de faire tout le show floor à une journée. Parce que c'est juste les places comme le E3 et les autres ouais, conférences. T'as le temps de faire le show floor au E3. T'as juste pas le temps de jouer. La relevance du E3, moi c'est ça qui m'a posé la question tout à l'heure. C'est je catch pas qu'est-ce que le public vient faire au E3. Puis encore une fois, cette année, t'as cette foutue dualité qui revient où si t'es un public, c'est pas au E3 que tu devrais être. Tu devrais être à PAX, tu devrais être ailleurs. Mais regarde, là, ils ouvrent les portes puis ils vendent des billets. Fait qu'il y a du monde qui vont y aller, c'est sûr et certain, mais je ne comprends pas la pertinence d'avoir du public. Mais comme je te dis, c'est pas accès aux conférences de presse. C'est une question de happening. C'est du monde hypé qui ne s'informe pas. Ouais. Qui veut des dire, fanboys finis. Ben, c'est ça, du monde hypé. C'est genre, ils vont juste... game ça. Là. Oui, mais ils vont dire, juste dire, I've been there. J'ai été, oh, ouais. J'ai été au E3. Tu peux payer 150$ pour ton billet de BlizzCon. Là. Tu ne vas pas avoir le temps de tout jouer là-bas non plus. Ah non, plus, c'est là. Sûr, c'est sûr. Mais là, t'es là parce que t'es avec des amis. Ouais, mais BlizzCon est un événement public. Hey, mais par parlant exemple, de BlizzCon, Vendor Show. Parlant de BlizzCon. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça. Fun fact, saviez-vous que Bobby Vasini, qui est un genre de la voix. Chanteur au Québec, est un fan fini de Blizzard et à chaque année il va à BlizzCon? Statistiquement parlant, je pense que t'as des très bonnes chances qu'il y ait une personne sur six. Non, mais je veux dire, c'est rare que t'entends parler que quelqu'un du Québec va au BlizzCon à chaque il année. Il va à chaque année, c'est d'autres choses. C'est un Québécois qui va puis il refond. Il en réalité, toute la, je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui vont au BlizzCon par année, mais qu'on n'entend pas parler d'eux autres. Oh, peut-être. Moi, je suis plus dans ce qu'on, on s'entend qu'un des meilleurs streamers dans l'histoire, un des meilleurs joueurs de Street de StarCraft, il est québécois. Là. Ah, ça se peut. Je pensais dire qui habite en Corée. Qui habite en Corée, puis tout ça. C'est mais un québécois. Moi, ça, là. Mon final word là-dessus, là, la raison que le monde y va, là, comme je disais tantôt, c'est le type de produit. Oui, c'est parce que c'est des jeux vidéo. Ils aiment des jeux vidéo. Nous autres, il y a un moi, ma job, ça, on monte des produits qu'on vend, qui va sortir dans un mais an. Mais toi, c'est pas industry-based. Toi, c'est pas public show, ouvert au public, t'es showcase. C'est industrie seulement. Moi, en passant, c'est j'aimerais dire... C'est industrie seulement parce qu'ils sont conscients qu'il y a pas un calice de chat qui veut aller là. Ouais. Si c'est pas sa job d'y aller. Exact. Puis l'affaire qui fait changer la donne, c'est justement ça. Là, même si c'est pas ta job, c'est quelque chose qui est une passion pour bien du monde. C'est du divertissement à la base. L'autre, c'est work-based sécurité. Fait que t'as beau voir quelque chose qui sort dans un an, tu fais comme, OK, oui, c'est bon, j'ai un budget de sécurité à dépenser, nanana, nombre de choses, ah ouais, go, on fait ça. L'autre, c'est comme, OK, j'ai tant de magasins, j'ai tant de jeux, on a vendu tant historiquement parlant, nanana, pis tout, mais c'est un jeu vidéo, fait qu'il y a des fanboys finis, il y a du monde qui veut l'avoir. En parlant de jeux vidéo... C'est juste pour ça, ça reste à la base c'est un vendeur show. C'est quoi les jeux qu'on attend en 2017? Ben exactement, je pense qu'on a fait le tour. Bon call, Eric. Fait... Human Fall Flat. Non, j'en ai parlé tantôt. Oui. 2017, y a-t-il quelque chose, vous autres, que vous regardez sans qu'on tombe dans la liste exhaustive ou inch by inch? Mais qu'est-ce que vous attendez cette année? Moi, je sais que Milter en a une coupe. Parce que moi, perso, comme... c'est Battlefront. Là. Ah, Star Wars Battlefront 2, pour être plus précis. J'ai. Puis ça, fun fact, là. J'ai joué au PC. Je suis le seul à avoir joué au PC parce que vous autres, vous avez toujours joué au PS4. Bande de mofo. Hein? Puis. C'est un compte Division. Non, c'est parce que je voulais jouer avec du monde, puis là, j'étais toujours pas guide seul, alors que vous autres, vous jouez au PS4. Ben, je suis le seul qui a joué ici au PS4. Là. À quoi, là, tu parles? J'ai même pas joué. Non, je l'ai eu au PS4, moi. Mais finalement. Division? Ce que je disais, non, là, on parle de Star Wars. Battlefront, ok. Excuse-moi. Mais j'ai pourquoi joué... Division? Ben, parce que là, on l'a les trois, puis. Et à un moment donné, sur Origin, le Season Pass, il y a eu un rabais. J'ai dit, you know what? Je vais l'acheter. J'ai joué une fois, là. Je te dis, man, il y a quelqu'un chez EA là, qui a une estime de méchant bonus avec ses décisions de Battlefront. Non, non, mais le pire, c'est-tu pourquoi je l'ai acheté? Je me suis dit, j'avais déjà les rumeurs qui s'en venaient que, tu sais, le Battlefront 2 serait basé sur Battlefield 1, qu'il y aurait un single player. J'ai dit, j'ai je les vais rumeurs l'acheter que moi je dis depuis parce que je joue à Battlefield 1. Oui, mais il y avait des rumeurs ailleurs, pas juste une source. Puis je me suis dit, en ce moment, tu sais, je viens d'avoir ma paye, j'ai payé mes comptes. Enfin, j'ai il est nourri. Il était pas né encore. J'ai dit, je vais l'acheter, ça va faire des stats positives de vente. Puis ça va encourager un pourcentage minime de plus. T'as voulu encourager EA. Oui. Avec raison. Parce même. Que quand ça vaut la peine, j'ai dit, combien de jeux vidéo je vais le faire. Puis j'ai dit, on le fait. Star Wars Battlefront 2, je vais l'acheter. Pas en précommande par contre. Ça m'étonnerait que je vais le prendre en précommande. Mais je vais sûrement pogner un Season Pass pareil. Il n'y en aurait pas. Ben, il va en avoir un, mais on sait pas sous quel format il va être gratuit. J'ai confirmé qu'il n'y a pas de Season Pass. Mais, tu sais, le 5 minutes que j'ai joué, là, le Death Star level dans le Battlefield 1, là, j'ai joué 5 minutes, puis je me demande pourquoi j'ai pas joué pendant mon congé de paternité. Peut-être que je suis trop lazy pour aller sur mon ordinateur au lieu de jouer au Xbox. Parce que t'as fait comme exactement tout le monde. T'as acheté un IP, t'as fait Star Wars! Non, mais j'ai joué beaucoup. J'ai t'as joué acheté beaucoup. Le contexte. C'est depuis que j'ai le Season Pass que j'ai pas joué. Ouais. C'est normal? Ça fait longtemps. Mais Battlefront 2, pour moi, c'est quelque chose que j'ai très hâte de puis jouer. Ce qui me gosse le plus, là, c'est qu'il faut attendre jusqu'à mi-novembre 2017 pour pouvoir jouer. Le 17, pour être exact. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de ce jeu-là. Bon. Puis comme je te dis, là, comme je disais, après que j'avais joué Battlefield 1, comme je disais, là, si Battlefront 2 a même 20% de ce que Battlefield 1 apporte à la table au single player, on va avoir de quoi de vraiment spécial. Puis en voyant les premiers trailers qu'ils nous ont montrés, on embarque exactement dans ce que je pensais. Moi, comme je te disais du début, je voulais juste que Battlefront apporte ça vraiment bien au point de vue où ce que je veux être un random Stormtrooper ou un random Elite Fighter. Pour faire un clin d'œil avec ce qu'André nous a dit au début durant les actualités, avec il va y avoir un roman tie-in. Qui tie-in avec la fille. Avec le storyline single player du jeu. C'est ça, des petites choses comme ça. Devinez qui va avoir le roman tie-in. Toi? Évidemment. Mais vraiment, là, ils ont du bon potentiel. Puis le monde n'arrête pas de dire « Ben, Battlefront 2 a déjà existé, puis il y avait des centaines de planètes, puis il y avait plein de missions. » Fuck off. Ouais, après 20 minutes, là, t'avais fait le tour de ce petit jeu-là. Puis il n'y avait pas là, des fucking graphiques lèche-cul débiles comme maintenant. C'est ça. OK, là, arrêtez de parler de votre affaire réchauffée de marde. Là, on va parler d'un vrai jeu. Là. Call of Duty... World War II, OK? Ah, tu veux dire, celui-là, le reskin de la version de 94, là. Non. Mais, OK, 94, non, mais... Je fais des jokes, mais sans... C'est avec ça va être un best-seller. Je suis hype. Moi, je suis hype. Ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour un Call of Duty. Premièrement, petite confidence, je suis un gros tripeux de Deuxième Guerre mondiale. Fait que, déjà, ça vient me rechercher beaucoup. Ça l'explique tout le linge nazi que t'as dans ton garde-robe. Non, ça c'est mes cosplays de fin de semaine. Oh, c'est mon jardin secret, Jonathan. J'apprécierais que tu sais, Non, mais. Sextape qui fait qu'il faut pas qu'on parle. Bon, mais mis à part cette farce de très mauvais goût, Call of Duty World. Savez-vous pourquoi je suis hype? Ça va peut-être être une raison. Parce que t'aimes la guerre. La guerre mondiale. J'aime la guerre mondiale, mais c'est surtout le climat qui entoure le jeu. Ils ont fait un one-hour reveal où ils expliquaient comment ils ont travaillé dessus, puis telle affaire. Puis je trouve que les compagnies de jeux vidéo commencent à être assez intelligentes dans leur manière de nous présenter leurs produits. Puis il y a un beau, gros climat de respect qui s'est fait autour de ça. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont été filmés bien des affaires, ils ont numérisé un paquet de trucs. Il est très accurate, il est très véridique. Mais il y a un gars qui a dit une phrase, puis je me souviens pas c'est lequel malheureusement dans le reveal, mais il dit « Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le fait qu'on revienne en arrière dans la Deuxième Guerre. » Puis il dit « Pour nous, c'est important de faire ça pour une chose, c'est qu'on veut que les gens s'en souviennent. » Puis je trouve ça cool parce que effectivement, c'est un sujet que j'ai discuté avec plusieurs amis au fil des années, mais le temps avance, les gens ont tendance à oublier ce qui se passe, puis l'histoire, c'est quand même un grand cycle. Puis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été quelque chose de quand même assez intense, de très, très, très intense, très traumatisant. Puis, on parle juste d'une bombe atomique, juste ça. Puis, ce qui est intéressant de savoir là-dedans aussi, c'est qu'il y a un paquet de monde qui vont l'oublier, ça. Ça devient le cours plate d'histoire à l'école qui ne s'intéresseront pas. Ça devient des faits qui ne seront peut-être pas aussi accurate. Des trucs qui ne viendront peut-être pas les rejoindre, puis... Tu sais, pendant qu'en 2017, on est en train de se questionner sur le respect d'autrui quand on l'appelle un homme ou une femme puis que les gens s'insurgent là-dessus, ben il y a des gens qui se cachaient dans un entreplancher pendant ces années-là. Pour pas se faire gazer. Pour pas se faire gazer ou brûler vif parce que on avait décrété que c'était des gens qui étaient nuisibles puis que c'était des débris humains puis des déchets. Puis... Fait que tu sais, je trouve que c'est important de se souvenir de cette guerre-là pour le symbolisme qu'elle a, puis le climat de respect autour de Call of Duty cette année. Puis là, tu sais, c'est sûr, je parle de ça avec le monde, puis le premier réflexe du monde me dit c'est une multiplayer de Call of Duty, Chris, tout le temps, même affaire, bah. Moi, c'est même pas pour le multi que je l'achète, c'est pour le single. Story, je veux faire le fucking story, pour, je veux le vivre, je veux le voir, puis il a l'air malade, il a l'air c'est sûr que ça va être immersif, up. Puis ça a l'air tellement fucking les bon. History accurate c'est vraiment une chose qui est reconnue à travers toute l'industrie, que ce soit des major news outlets, que ce soit des petits blogueurs, n'importe qui. Tout le monde s'entend pour dire que le mécanique de Call of Duty, le FPS, la fluidité, la manière que c'est fait, que tu sois d'accord ou non avec le mode de story linéaire, c'est le meilleur. Mais moi, c'est vraiment un des meilleurs mécanique de first-person shooter qu'il y a... C'est sûr, c'est le Quake 3. c'est vrai. Oh, mais on s'entend, t'es loin du Quake 3, là. Il est encore c'est là. Oui, mais c'est là, fucking genre... C'est genre un million de layers d'évolution par-dessus. Moi, j'espère juste qu'ils suivent la formule de les premiers Call of Duty. Parce que, est-ce qu'on se souvient-tu qu'est-ce qui a différencié le... Comme, on va dire les vraies affaires, là. Call of Duty, ça vient de Medal of Honor. Oui. On va jamais l'oublier. Oui. L'équipe qui ont fait Medal of Honor Frontlines, c'est Allied Assault, excuse. C'est eux autres qui ont parti Infinity Ward, puis qu'ils ont eu leur premier jeu qui était Call of Duty. Call of Duty, qu'est-ce qui différenciait ce jeu-là de tous les autres FPS à l'époque? C'était que, surtout à la Deuxième Guerre mondiale, on ne voyait pas... Quand tu joues le premier Call of Duty, là, on venait de faire... C'était-tu Allied Assault? C'était ça, oui. On venait de faire Allied Assault qui avait vraiment pris beaucoup de cue de Saving Private Ryan. Puis, tu avais la débarcation en Normandie. Tu joues à Call of Duty 1, t'es même pas là, là. T'es dans le Airborne le soir d'avant, en train de te faire dropper behind enemy lines. Puis après que tu fais ta mission, tu décalises de là, puis t'es un esti de russe à quelque part en train de faire une mission en Russie. Ben, c'est qu'ils te montrent les deux côtés de la mission. C'est ça. Non, en fait, non, ils n'ont pas été assez braves. Non, ils n'ont pas été braves. Mais ils ne pouvaient pas, dans ce temps-là, se le permettre non J'espère que c'est là où je vais en arriver. J'espère qu'ils ont l'audacité de toucher le soldat allemand. Puis pas parce que je veux qu'on voit du monde en train de rire. Pas comme les trainings de Battlefield où tous tes gars ils meurent. Puis... C'est ça. Mais ça, c'était correct. Ça. C'était le ton très bien. Mais je veux comme. Moi, je veux le point de vue du soldat allemand qui est convaincu qu'il fait la bonne affaire. Là. Ouais. Comme je veux. Parce que c'est ça que je veux voir du côté de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le ballsy move, le easy move, c'est d'aller à WW2 pour eux autres. Mais j'aurais aimé ça aussi. Parce que comme la guerre de la Corée, là, je trouve que ça a été hot, mais je pense que ça, c'est trop sensible en ce moment parce que c'est sur le bord de repartir encore. C'est une des guerres qui, en fait, petite parenthèse, qui était le moins publicisée en Amérique du Nord. Ouais. Mon grand-père, il était là. C'est ça, c'est basé au niveau histoire de faire un jeu comme ça, parce qu'il touche la Vietnam. Ouais. Vietnam, il a été bien touché. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des films qui ont déjà comme un peu habitué l'espèce de... La population à large, c'est les Rambo et compagnie, c'est ça. Exact, parce que c'était weird. C'est cool qu'ils reviennent à ça. Moi, j'ai hâte qu'ils font ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours un point de vue intéressant, mais à la défense de EA avec le Battlefield 1, ils ont fait une hostie de bonne job avec la Première Guerre mondiale. Je suis un peu content qu'ils n'ont pas été cette direction-là avec les Call of Duty. Parce que j'avais un feeling qu'ils étaient pour peut-être aller Première Guerre mondiale, eux autres aussi. Ouais. Mais ils l'ont pas fait. Ils sont retournés à la source. Avant qu'ils touchent à la première, ils vont attendre de se distancer du BF1. Non, mais Call of Duty, c'est Deuxième Guerre mondiale. Call of Duty, c'est la deuxième. Je suis content aussi parce que, tu sais, dans le storytelling, un des meilleurs moments que j'ai eu de first-person shooters aussi, c'est... C'était-tu dans Black Ops? Puis là, je mélange mes Call of Duty. Ah, mais quand t'es dans le Vietnam, en bateau, puis t'as entendu des Rolling Stones, No Sympathy for the Devil. Là, t'es sur le boat, puis t'arrives, puis t'as No Sympathy for the Devil qui est là, puis t'as une gradation constante, puis t'as un apogée, puis là, t'as un hélicoptère. Puis, ils sont cool, les storylines, mais ils sont tellement l'immersion, bons. L'immersion, c'est du Brockheimer dans tes dents. Mais là, c'est que je trouve que, dans ce que j'ai vu du footage, il y a une genre de... Je me souviens encore quand j'ai vu Saving Private Ryan au cinéma. Moi aussi. La première scène qui... Il se garoche dans l'eau. Chris, le débarquement de Normandie qui n'a pas été maquillé. Là. C'est... Moi, je me rappelle les images des dents, balles. Là, puis là, les balles qui rentrent. Puis le gars qui est là, puis qui... il a son bras dans sa main, puis il capote. Puis... Ça me donne le goût de le revoir. Honnêtement, ce sentiment qui de... regarde son autre côté, puis qui capote. le jam, puis le peanut butter. Le sentiment de genre « What the fuck am I watching? » Puis le sentiment aussi que ton cerveau, un moment donné, il embarque, puis tu fais comme « Tabarnak, c'était probablement pire que ça. » Ben oui. Je suis sûr que c'était pire que ça. Ça serait pire. Là, tu réalises, puis tu fais comme « Fuck! » Fait que... Je l'ai revu dernièrement, puis les effets sont moins hot que dans le temps. Ben probablement, mais c'est certain, parce qu'on est habitué. Un petit peu turn-off à cause de ça, mais je le regardais pareil, puis j'étais comme « Chris, c'est bon comme ça. » Mais Allied Assault, là, quand j'avais joué ça la première fois, là, c'était straight off the high of ça, là. Est-ce que Allied Assault, la débarcation en Normandie est hallucinante? Ouais, ce que fallait du cash en... Anyways. Fait en tout cas, Call of Duty, moi, je suis bien content. Puis c'est quand ça sort? Je suis content. Ça sort en le novembre, 3 novembre, je pense. Ouais. Pour votre information, là, on parle de jeux de Call of Duty. Là. Allied Assault, qui était PC. Oui, au début. Fait par les gars d'Infinity Ward. Oui, mais c'est ça, j'y allais. Ben, en fait, le nom de la compagnie de développement s'appelait 2015 Inc. Qui ont fait une coupe de jeux aussi. Ouais, mais Ils ont fait un jeu de Vietnam. WW2 va être fait par Sledgehammer. Ceux qui se demandent ce qui est Sledgehammer, c'est ceux qui ont fait Advanced Warfare. C'est dans quel Call of Duty que tu gagnes plein d'innocents dans une... Call of Duty 2. Modern Warfare 2. C'est Modern Warfare, c'est le 2. Dans l'hélicoptère, dans l'aéroport. Si jamais ils touchent aux soldats allemands, penses-tu qu'ils vont faire une scène qui gagne un village? Je te le dis, là. Au niveau de ballsy histoire, là, faudrait qu'ils fassent ça. Mais ils vont pas le faire. They're not gonna touch. Il y a les nazis zombies. Le zombie mode va être des nazis zombies. Ben ça, oui. J'en calisse. Moi, je veux... Mais le zombie mode, honnêtement, quant à moi, ça pourrait ne pas exister. Ils ont juste jamais le, eu les... Le fuck, c'est que... On aurait besoin d'un jeu qui démontre l'envers de la médaille. La seule chose, c'est que la minute... Puis je suis d'accord avec toi d'être tout basé pour le faire. La minute qu'ils font ça, ils vont servir un peu de d'exemple. Ça c'est été... ça qui est poche. Est-ce que le monde est prêt en 2017 pour un jeu immersif qui va montrer l'envers d'une des plus grosses non, il y a des grandes tragédies? Je pense qu'il y a des angles d'approcher. Ouais. Comme tu sais, en Allemagne, là, on va pas se le cacher. Là. C'était pas une période où on était tous branchés sur l'Internet. Là. Il y a une grande majorité de la population allemande là, qui était convaincue que tout... Comme qu'il faisait, comme je sais pas comment l'expliquer. Il était convaincu ce qu'il faisait la bonne chose. Puis il savait pas aussi, comme oui, il ignorait, ça c'était pas correct non plus. Mais je sais pas comment l'expliquer. T'sais, je veux pas dire go les nazis, c'est pas ça que je dis. Mais il y a une humanité qui se passe là. Il y a du monde qui sont pris dans la folie. Mais dans la folie d'une nation, là, comme ça, on peut tout se faire. On est tous fragiles. Pour défendre pour ça, ce que tu dis aussi dans un sens, en montrant ce côté-là. Je suis certain qu'ils peuvent facilement montrer aussi la vision du gars qui hésite, parce qu'il y en a beaucoup mais c'est ça, je qui n'étaient pas ça, sûrs. Ça serait un bon angle. C'est que si tu y vas pas, tu te fais tirer en arrière de la tête aussi, par le gars. Puis des affaires de même. Tu vois, non, cette mais ça, vision-là. C'est tout le monde. Ça, c'est même mais c'était dans quoi c'était quoi le film là, Valkyrie. Non, t'avais un film, c'était un sniper, c'était Enemy at the Doors. Sniper. Non, Beyond Enemy Lines. Beyond Enemy Lines. Au début, tu pars à courir. Tout est balle, tout est à carabine. Les deux, vous foncez, puis j'envoie pas un Chris qui revient. Sans ça, je vous choque. Mais en passant, nous, on faisait ça aussi. On fait ça. Tout le monde fait ça. L'officier, il y a un fusil pour ça. Là. Ouais. Je l'ai fait la semaine passée. Mais là, on a parlé de Call of Duty. On a parlé beaucoup. On a parlé de Battlefront 2. Il y a un jeu qui sort mais moi, dans quelques jours. Non, c'est okay, tu avec que Prey? Je pense. Et que, ben, je sais pas si toi, tu parlais de Prey, mais je voulais dire, il y a un jeu qui sort dans très gros blockbusters. Et qui fait parler énormément à cause de son passé tumultueux. Mais surtout parce que les bandes annonces sont sorties sont assez incroyables. C'est folle. Puis c'est ça, c'est Prey. Honnêtement... Prey, là, c'est même le dernier Prey qui est sorti, là, c'est un nasty de mot de tête de développement. Prey, c'est un des séries de jeux les plus jinx dans l'histoire des jeux vidéo, là. Ben, on parle bien du jeu comme au 360, là, que tu te promenais... Ouais, c'était écœurant. Non, mais même ce jeu-là a eu 4 formes avant d'arriver à ça, là. Même celui-là, là, il était en production depuis longtemps avant genre aussi. De thématique puis, c'était un des premiers jeux aussi à faire des portails. Hein. C'était pas Portals, mais il y avait des portails là-dedans aussi. Je pense que Prey, c'est un peu un exemple. Faut pas me méprendre, là. J'ai hâte de jouer et j'ai beaucoup confiance à ce produit-là. Mais Prey, c'est-tu quoi? C'est un peu à ce que... Ça revient un peu à ce que tu disais, Milter, au début, tu sais. Est-ce que Riverdale aurait pu s'appeler autre chose et être aussi bon? Ben, est-ce que Prey aurait pu s'appeler d'autre chose et être aussi bon aussi? Sauf que le IP est déjà établi et ils ont déjà payé pour. Fait que, ça devrait payer To Rock. Ils ont repris comme 50% de l'histoire. Ils ont réinvesti sur le kit. Mais moi je trouve qu'il y a de l'ICO, le jeu. La seule affaire qui me... Moi, prendre possession d'une tasse à café et se promener avec ça, là, c'est pas ça qui me tente le plus, mettons. Là. Ouais. Ça, c'est un côté du jeu que je m'en fous, tu sais. Mais tout ce qui est entité alien weird, télékinésie, toute la kit, là, tu sais. Ah, il y a des beaux, il y a des, comment dire ça, des bons pour un genre de FPS, si on peut dire. Là. Ouais. Il y a des bons skills différents, tu sais, qui fait changement de juste tirer c'est du ça, gun. C'était ça la beauté ça, de Prey. Ça, c'est Prey, correct. Là. Moi, personnellement, Prey, je suis loin d'être turned on, là. Mais pas turned off non plus, là, juste dans le sens que... Je vais jouer si je vais jouer. Là, le dernier pas... Prey, je vais toujours me rappeler comme rentrer dans le resto au début, puis que t'as le Alien Abduction qui commence. Ouais, ça c'était freaky. Puis c'était post-Doom 3. Fait que c'était la première début fois. Début 360. Genre, un des premiers jeux que j'ai joué au 360. Puis, mais il y avait du beau stock qui se passait là-dessus. Là, courir ses murs, marcher à l'envers. Ah, dans le temps, je me souviens, j'avais été comme oh, ok, je vois qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, mais je me souviens que je le jouais parce que j'avais pas rien d'autre non plus. Tu sais, un peu, c'était tellement nouveau comme Xbox 360 que... C'est aussi l'histoire classique des extraterrestres qui mangent des humains. Puis attends, Eric, je suis curieux. Muté, là, avant qu'on parle de Prey, t'avais l'air de vouloir aller dans un autre produit, dans un jeu? Mais moi, il y a Destiny 2. Oui. Que je veux pas qu'on oublie, qui va être sur à PC aussi. Ouais. Fait que Destiny ouvre la porte au complet à tout le monde. Puis moi, Bungie, pour moi, ça va rester un de mes studios de développement que je vais toujours tenir à cœur. Puis dernièrement, j'avais acheté... Moi, le premier Destiny, j'étais hyper hype avant qu'il sorte. Je l'ai acheté le jour qu'il est sorti. J'ai commencé à le jouer, puis j'ai réalisé l'angle MMO. Puis on en avait parlé. Là, moi, j'ai joué beaucoup à Destiny. On en avait parlé sur nos shows ici au début. Puis j'avais bien aimé le jeu, mais à un moment donné, j'avais décroché de l'aspect MMO. J'avais pas le goût d'embarquer dans les MMO, puis j'avais fini le single player campaign qu'il y avait au moment. Le grinding était tough. J'avais juste des idées fuck that long, shit. Moi avec. Mais à Noël, j'ai acheté tout le kit jusqu'à Taken King à comme 15$. Je l'ai réinstallé dernièrement. J'ai recommencé un bonhomme. J'ai vu en plus que j'avais un token qui me permettait de level up un bonhomme à 40, quelque chose comme ça. Puis c'est juste un produit de qualité, ce jeu-là, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 2. La seule affaire qui m'avait turné off un peu, puis tu sais, c'est l'illusion du open world versus le grinding, où... l'illusion, c'était du open world. Ben, c'était du open world, mais tu sais, ça, on a jasé la dernière... C'est quoi ce que je t'avais dit dernièrement? La même affaire. On s'était astiné, mais... La dernière fois, tu disais que c'était pas open world. C'est juste qu'il y a tellement de worlds que... Ben, en réalité, c'est-tu quoi? Il y aurait pu juste, tu sais, enlève ton asti de loading avec le vaisseau spatial qui... Ouais. Tu sais, laisse-moi me promener entre les mondes, au pire. Mais un design, là, que j'ai pas de texture à loader, là, que je vais rouler, là. Puis, moi, c'était juste ça qui... Puis, ça a rendu le grinding pénible pour moi. Tu sais... J'ai fait comme Eric, j'ai arrêté de jouer. Maintenant, j'ai essayé de rembarquer. Ben, j'ai des chums très actifs là-dessus qui jouent encore beaucoup. Puis il y a une très grosse communauté fidèle. La seule affaire, c'est des light shards, des light levels, des affaires la même. Puis le kit, j'avais pas le temps de rester aussi compétitif qu'eux autres. T'sais, j'ai eu le même feeling que World of Warcraft quand je me suis relogué. Puis tout le monde est rendu level 99 millions. Ils brillent. Il y a des arcs-en-ciel. Puis des astis d'aurore boréales au-dessus de leur tête avec des épées qui chantent les louanges des quêtes des démons qui ont tué. Puis Chris, ça fait 3 jours que j'ai pas joué, genre. Tu sais, c'est fuck! Comment tu peux être aussi dénivelé? Puis. Fait que tu sais, mais j'ai hâte à Destiny 2, puis je vais sûrement le pogner. Oui, j'ai aimé le trailer, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Tu sais, qu'il y a comme les deux versions. Le Nathan Fillion, qui est super fucking drôle là-dedans. Là. Il y a un qui fait son speech tout propre, puis King style, là, tu sais. Puis, t'as, comme tu dis, Nathan Fillion, qu'on sait pas nécessairement que c'est lui, là, sur le coup. Là. Ouais. Mais il dit la même genre de traduction. Sauf en vulgarisation, il paye simple et il crie juste « loot » à la fin puis tout le monde capote. Là. Si je vous parle de The Surge, guys, ça vous dit quoi? Ça me dit absolument rien. Ça te dit absolument rien. C'est un science-fiction action RPG. Ça a l'air... Moi j'ai, ouais, j'ai moi, vu je parlerais ça sur plus Facebook. De Red Dead Redemption 2. Ben, on va pouvoir en parler. Mais The Surge, je voulais juste le couvrir quand même assez rapidement parce que moi, c'est un jeu que je ne savais aucunement qu'il existait. Je ne sais pas si c'est un AAA, mais... Je pense que c'est un triple B. Ouais, moi, je pense, c'est-tu quoi, ça va être un underdog qui va surprendre beaucoup de monde. Dans la scène des Dark Souls, qui est très médiévale, fait que Mentor, il aime ça. Oui. The Surge est un peu la réponse aux Dark Souls dans le domaine de la sci-fi, où on est comme un worker dans un entrepôt où on a des armures un peu comme le film avec... Ouais, le film avec Edge of Tomorrow. Ou Vin Diesel. Edge of Tomorrow, mais l'autre film aussi avec comment il s'appelle le gars qui fait Jason Bourne, puis qu'il y a comme Elysium, exactement. Non, ça, c'est pas Jason Bourne. Ouais. Ça c'est pas Jason Bourne, c'est non, Matt Damon. Jason Statham. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Fait, non mais en réalité, c'est que il y a genre des armures qui répondent avec des implants dans ta peau, des exosquelettes. Mais des exosquelettes. Puis c'est ça, The Surge, c'est genre que t'essaies de survivre dans un entrepôt où la compagnie a viré folle, les employés, un moment donné, ils gone mad with power, ils créent des robots, il y a une intelligence artificielle, tout le kit. Fait que c'est comme une réponse sci-fi à Dark Souls, puis moi, j'ai jamais vu ça venir, ce jeu-là, puis là, plus que je check des trailers, plus que je suis hype avec ça. Ah, moi, le nom me disait de quoi, puis j'ai checké bien vite l'image, puis tout, je l'ai vu en précommande. Il est à 10% de rabais en date d'aujourd'hui. Un triple B title, j'aime ton terme, Guillaume, on va sûrement l'adopter un peu plus souvent, mais checkez ça, guys. C'est pas juste The un Surge, T-H-E-S-U-R-G-E. Ça sort le 16 mai, fait que ça sort dans vraiment pas longtemps. Il y en a eu sur il y a eu un exposé sur Twitch, il y a eu bien des affaires. Moi c'est par Facebook j'ai découvert ça, fait que les pubs Facebook des fois ça vaut la peine. Moi j'en ai un qui sort une semaine et demie après The Surge. Oui. C'est pas, je pense pas que c'est considéré un triple A. Je sais même pas si c'est un triple B, mais d'après moi il va être assez niche et populaire. Friday the 13th, The Game. Ah, j'ai hâte de jouer à ça. Moi, j'ai beaucoup hâte de jouer à ça. On s'entend que t'es dans le public cible, toi, pas mal. Je suis peut-être dans le public cible, mais je trouve que tant qu'à faire des jeux de même ou des tentatives de jeu de même qui s'inspirent toutes de Friday the 13th, mais pourquoi pas juste crisser le skin carré de Friday the 13th pour faire que le monde embarque dedans juste à cause de ça plus. Ou, tes vœux sont exaucés. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du jeu, Jonathan? Hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu joues Jason? Tu peux jouer Jason ou tu peux jouer... C'est 4 survivants qui essaient de s'échapper? Je pense que tu peux jouer jusqu'à genre 7 survivants, me semble. Il faudrait que je recheck l'info. Ben, c'est les moniteurs du Camp Crystal Lake qui essaient de se sauver. Exact. Puis, tu sais, un peu, moi, regarde, je peux considérer, comparer ça à Evolve. Ben vite pour du monde. Ouais. Puis Evolve à la base, dans le sens player versus players. Il n'y a pas un autre jeu sur Steam aussi présentement. Ouais, mais j'ai oublié le nom. Toi, tu joues, je pense. Est-ce que tu... Ouais, j'ai joué une couple de fois, puis j'oublie tout le temps le nom. Mais en tout cas, c'est super bon. Mais en gros, soit que tu joues le overpowered Jason Voorhees, ou t'es un moniteur de camp. Puis il faut que tu te pousses. Puis pour te pousser, mais c'est genre, il y a un bateau, il y a un char, il y a quelque chose, mais il faut que tu répares le char, répares le bateau. Moi, c'est l'aspect social de ce jeu-là qui me fascine. Ben, exact. Tu joues soit ensemble en tant que survivant, ou, ben, mettons, nous autres, on est les quatre autour de la table, genre, puis là, je fais une jambette à quelqu'un, puis je fais comme, fuck you, man, on va survivre. Ouais. Parce que, mettons, comme tu dis, moi, quand j'ai vu Dead by Daylight, Dead by Daylight. Effectivement. C'est merci beaucoup, Philippe Prévost-Brisson. Mais, en tout cas, non, mais Dead by Daylight, là, c'est qu'est-ce que moi, comme j'attendais que tu finisses, là, mais pour moi, c'est le jeu que je pense va être plus cool. C'est fait à Montréal. Ben, il n'est pas déjà sorti. Il est déjà sorti en Early Access, celui-là. Ouais, Early Access. OK, fuck les Early Access. Mais en gros, l'autre, c'est... Sorti, c'est pas sorti. Mais Dead by Daylight, Friday the 13th, je disais pas qu'il copie beaucoup, mais... C'est vrai, pareil, tu sais, il est-tu sorti? Tu peux jouer sur Steam. Moi, je le considère. C'est quoi la nouvelle affaire que j'ai vue sur Android la semaine passée? Unreleased. Mais... But you're letting me install, but you're playing the unreleased version. Ah, mais si tu peux l'installer puis l'adapter, il est released. En tout cas, fait que Dead by Daylight, c'est Dead by Daylight. Dead by Daylight. Il sort le 20 juin, un mois après. C'est ça. Mais Dead by Daylight, console, c'est fait à console. Montréal. Puis eux, ils étaient le premier à sortir ce concept-là. Oui, ouais, mais c'est un bon concept. Parlant de jeux, de zombies et tout, il y a Days Gone qu'on a c'est vu au 3 l'année passée. Colin, je voyais Dead by Daylight. Il un peu. Il est supposé sortir To Be Confirmed cette année. Ouais. En fait, là, c'est un des high forget expectations du E3. Ouais, forget about that one. Moi, je pense parce que ça va être God of War qui sort, là, fait que forget about that one. Petite parenthèse, pendant qu'on est en train de rafraîchir nos notes, j'ai remarqué, on s'entend, c'est pas une question de bataille de console. La quantité d'exclusifs en ce moment de PS4 est vraiment beaucoup plus volumineuse que le Xbox. Mais quand je faisais mes recherches pour savoir les jeux qui sortaient en 2017, j'ai remarqué que tous les exclusifs de PS4 qu'on a, tu sais, que les gens ont. Donc, Days Gone, on continue. C'est exclusif PS4? Oui, Detroit Become Human, qui est un mois que j'ai bien hâte de voir que ça va donner. J'ai hâte. Gran Turismo, je continue. Uncharted The Lost Legacy. Gran Turismo s'en vient, je vais pouvoir dépoussiérer ma PS4. God of War. Y en a plein, là, puis là j'en saute, là, mais c'est plein d'exclusifs, typiquement là, PS4, là. Pis c'est tout du to be confirmed. Il n'y a aucune date qui se sont mouillées. C'est normal parce qu'ils sont passés DPS puis ils sont avant. Mais tu sais, Red Dead, là. Fait que là, il y a Red Dead, ils ont dit. Non, si on parle de Red Dead, on dit. Ils ont dit automne 2017. Mais on s'entend, Rockstar, s'ils disent automne 2017, ils vont livrer automne 2017. Ouais. Rockstar, ouais, ils sont. Parce que le jeu est probablement déjà fini avec eux autres. Comme Assassin's Creed, déjà fini. C'est comme Prey. Prey, je lisais tantôt, il est fini, puis ils sont en train de finaliser justement les compatibilités PC, la fluidité, puis tout ça. Ben, tu vois, moi, ça, c'est un des points que je trouve cool. C'est que maintenant, étant comme un nouveau assumé Master Race, je suis content que, tu vois, Destiny 2 va être sur PC, Prey va être sur PC, Red Dead Redemption 2, je suis pas mal sûr qu'ils vont l'annoncer. Tu dis non, pas la sortie. Mais à la sortie, c'est sérieux, console. 6 mois avant. Monsieur PC ouais, Master Race, t'installes-tu tout ça sur Linux? Non. Microsoft t'a dit merci. C'est pas grave. Il est pas un gars contre Microsoft. Il est juste content que Sony ait pas une scène. En fait, même pas. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que man, je checkais ça, puis c'est rendu que le PC gaming est... Une fois que t'as amorti... Si t'as le thinking que t'as amorti ta machine sur 5 ans, là, le PC est gaming est de plus en plus clair. Relevant. Il est crissement rentable. Contrairement au E3, il est drôle. De plus en plus relevant. Mais c'est drôle parce que j'ai eu une... Dominique m'avait donné une grosse collection de Next Gen que j'avais pas lu, ça faisait des années. Puis je les avais toutes jetées. Moi, j'avais toutes les next-gen. Ah, je n'ai vu un WEG, puis je suis passé un next-gen. La lecture de chambre de bain. Ouais, à WEG, j'en avais mis plein dans les chambres de bain. Mais c'est drôle parce que j'avais oublié à quel point que dans le début et milieu des années 90, le PC gaming était zéro respecté. Là. Ben non. Il fallait que t'ailles les revues de PC gaming. C'était des adventure games. Il y avait une couple de FPS et cette pis-là. Wolfenstein, Doom. C'est ça. Click and find. Là. C'est ça. Mais le monde, c'était comme... On était dans une période très drôle où ce que il parlait de l'excitation du PC gaming qui s'en venait à finalement être compétition avec le console gaming. Ouais. C'est weird. Mais comme, il fallait comme un parallèle. Ordi à 3 500 $. Un Pentium 286. À cette heure-là, honnêtement, tu vas payer 2 000 ta machine. Hein? Tu peux t'en tirer. Tu vas payer 2 000 ta machine. Avec... Ça dépend. Tu vas l'amortir sur 5 ans. Non, parce que ta machine, sais, là, si tu joues pas 4K, là, tu peux t'en tirer avec 1000-1200. Ah, même en bas de ça. Si tu joues pas en 4K, en 1080p, là, tu vas. Ça sert 700 à quoi de pas jouer en 4K? Il n'y a pas long, là, tu vas avoir la boîte Xbox qui va venir avec que tu mets dans le salon. Moi, quand je joue à Flint Hook, je veux du 4K. Mais où je vais en venir avec ça, c'est que je trouve ça cool parce que pour le même titre où. Dans le temps, j'étais content qu'il sorte Mass Effect au PS3 quand j'avais pu jouer au 360. Mais là, même, tu sais, Destiny 2 sur PC en plus des autres plateformes, je trouve ça cool. Tu sais, je pense qu'on est rendu là. On parlait. Red Dead Redemption 2. Oui. Yeah. Mais avant de rentrer dedans, Red Dead, on va en parler pendant longtemps, je pense. En fait, il va falloir y aller dans Red Dead. Mais juste avant qu'on commence, on a parlé vite de jeux qui étaient, comme tu sais, les exclusifs qui étaient. To be confirmed, puis qu'il y a beaucoup de risques que ça bump à 2018. Un des jeux de To be confirmed, qui est aussi clin d'œil à Jean-Philippe Descaries-Mathieu, Guy Ledouche. Peut-être, mais qui est un jeu qui a commencé sa vie sur le PC, qui est maintenant all console. C'est Divinity Original Sin, qui est un succès Kickstarter, on se rappellera à la base. Le 2 sort To be confirmed en 2017, sera PC et console. Mais c'est, à la base, c'était PC, ça c'est sorti sur les consoles. Fait qu'ils sont pas branchés. Mais là, dans le 2, ça va être all console, all platform en partant. Moi, j'ai le Original Sin Enhanced Edition qui ont ressorti sur Steam. Ah, je l'ai sur PS4, celle-là. Mais j'ai voulu Steam commencer à jouer, mais j'ai toujours eu la chienne parce que ça, c'est le genre de jeu. C'est que lourd comme jeu. Quand je commence, là, je sais que je vais être comme sucked in, là, je vais me faire aspirer. Puis là, avec mon bébé, puis tout le reste, genre, c'est comme dangereux. C'est un jeu qui joue avec une main, là. C'est pas. Mais honnêtement, non, mais c'est pas juste la question d'avoir une main, c'est que, tu sais, c'est le lore, la storyline, puis là, t'es comme super absorbé, puis là, t'as le bébé qui pleure, puis qui veut boire, qui veut changer la couche, puis là, tu t'en rends même pas compte. T'as fait dans ça ta avec bulle. Destiny, moi, le lore, là, c'est-tu que c'était bon, man. Mais, anyway, moi, c'est un de ceux que j'ai le plus out, c'est vraiment Divinity, Original Sin 2. Mais c'est bon que j'aille comme pas encore vraiment à jouer au 1, parce que je vais pouvoir repousser ça pour le plus tard, mais ça sort... supposé en 2017. Ce qui nous amène à Red Dead. Oh oui. Moi, Red Dead. On va parler longtemps ou pas? En fait, on est sur le dernier mille. Okay. Fait que si t'as de quoi à dire, vas-y maintenant. Je voulais juste savoir un jeu que je trouve ça fait longtemps qu'on entend parler. Crackdown 3. Puis exact, il y a pas de date dessus. To be confirmed. Il est encore to be confirmed. Fait que d'après moi, ça va être quelque chose qu'ils vont parler au E3 parce qu'ils l'ont présenté. On va se dire quelque chose qu'ils ont besoin de ça. Là. Il avait de l'air assez fini. C'est si quoi on peut ça dire. Ça va être un Scorpio release title. Ah ouais, ça c'est. Peut-être. C'est le genre de shit choix, là, qu'ils vont faire comme, hey, vous l'attendiez, vous la nouvelle console, puis play it better on Scorpio. C'est ça. Puis, play it better. Mais en tout cas, en autant que je peux jouer Lesser sur ma Xbox One S là. Je vais être bien content. Puis il y a deux jeux, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas des gars actifs là-dedans. Sea mais... of Thieves? Non, pas pantoute. Mais, ça a l'air écœurant. Ça a l'air écœurant, mais c'est plus notre genre de jeu, je pense, que les deux que je veux mentionner, je pense qu'ils méritent une place. Assassin's Creed. Un nouveau Marvel vs. Capcom. Ouais, pour les jeux de Infinite. Fighting. Et Injustice 2. Des genre, fighters, ces là. Deux jeux de fighter, je pense qu'ils vont être quand même bien. Pour les gens qui sont des fans de fighting game, puis il y a Tekken 7 aussi, c'est trois gros jeux qui vont sortir. Eddie Gordo, il est-tu dedans, Tekken 7? Sûrement. Parce que s'il est dedans, je gagne. Mais on fait le premier 7, tournoi de Tekken au bord avec Tekken 7. Les Social Justice Exclusive. Warrior / PETA fans d'Australie ont fait retirer un personnage de Tekken 7. C'est un boxing kangourou. Ah, oui, oui. Mais l'ours est correct. Ça a l'air. L'ours est correct, le tigre c'est correct. À Star, c'est pas un gars dans un suit de kangourou juste pour. Non, là, c'est vrai qu'ils ont fait enlever, c'était vraiment un kangourou avec des boxing gloves. Ouais, dans le temps. Puis ils ont fait enlever. C'est le gars dans la vidéo qui punch le kangourou. Ah, faudrait checker avec YouTube. C'est ça, le c'est jeu pas le sujet de la journée YouTube. Like Red Dead Redemption 2. On va dire les vraies affaires. Si Rockstar ont appris un peu de leur petit succès qui s'appelle Grand Theft Auto 5. Juste un petit succès. J'ai un feeling que qu'est-ce qu'on va voir avec Red Dead Redemption 2, juste pour le online, ça va être sick. Fucking débile. Ouais. J'ai un feeling que nous autres, d'ici la fin de 2017 au début 2018, on va être assis à l'entour d'un camp de feu à un moment donné, en train de manger. De quoi? Savez-vous quoi? On va faire un live stream de podcast dans Red Dead. S'il y a ça, là, le podcast, on va l'enregistrer chacun chez nous avec nos headsets, là. En live streamant, autour là, d'un foyer, le collectif d'un autour d'un feu de camp. On va pouvoir, je te gâte, tu sais quoi, là, je vous le call tout de suite, là, il va y avoir un fucking farming simulator dans Red Dead Redemption 2. Je suis pas mal sûr. Tu vois, petit ranch là, que tu vas pouvoir monter, là, puis tu vas pouvoir fucking pousser. Inspiré de Fallout 4. Il va y avoir une pute dans le village qui va maintenant avoir des flashbacks de sa fille, puis tu catcheras pas trop pourquoi, puis finalement tu te rends compte qu'il y a des samouraïs à quelque part, puis c'est ça. Parce qu'il va y avoir un zombie DLC. Je sais pas, mais il va sûrement avoir Halloween un Westworld shout-out. Confirmed. Tu dois avoir un fun fact à propos de Red Dead Redemption 2. À part que ça va être malade. Les, toutes les copies PS4 de Red Dead Redemption 2 que Amazon a précommandées / réservées ont déjà toutes été achetées. Ah, c'est clair. Donc, si tu veux t'acheter Red Dead Redemption 2 et que tu as une PS4, n'achète-le pas sur PS4, sur Amazon parce que tu risques d'attendre un crise de bout. Attends une seconde. Ben non, tu ils peux vont pas l'acheter digital. Oui, digital, mais c'est ce qu'on s'entend. Il y a des gens qui c'est l'achètent correct. Encore. On voit Rick, on achète déjà digital. Amazon va être sold out, mais c'est des boutiques locales vont avoir de l'inventaire. Puis c'est un retour au brick and mortar. C'est une question d'attribution, tout simplement. Le monde c'est à l'envers. Ils ont commandé, puis ils prévoient la quantité. Vous le savez, dans le retail, là, ils printent selon les précommandes. Ils n'en ont comme pas assez commandé. Ah, on l'a pas dit. On sait que Red Dead Redemption va être malade. Et il va être optimisé Scorpio. Super Mario Odyssey. Oui, sur la merveilleuse Switch. Sur la Switch et la Wii U. Splatoon 2. Splatoon 2 est déjà sorti, non? Non. Ils ont pas déjà sorti. Ils ont-ils sorti un Splatoon? Le Splatoon était à la Wii U. Puis le 2 va être Switch. Tu sais que je comprends rien de cette console-là. Tu fais bien, moi non plus. Moi, j'ai mais juste répété ce que Bruno me dit de, en fait. On parlait de trop tantôt, les grosses rumeurs de E3 et de la Switch, et qu'il va y avoir les annonces de Steep et de Rayman qui vont être une réédition des jeux, mais pour la Switch. J'ai tellement hâte de pas jouer à Steep. Ils vont rééditionner un jeu qui est sorti il y a 6 mois. Sur... Mais Rayman Legend qui a été comme... Oh, Rayman va être dans Steep, OK. Non, va être dans Switch. Oh! Attends un peu, Rayman, tu vas pouvoir... Rayman Legend oui, qui a été... Oui. Je sens que ton wingsuit sur la Switch avec Rayman. Exact. Mais okay, pendant que tu shakes ta commande. Là, ils vont sûrement te le vendre 80$ sur Rayman aussi. Ah oh, oui, mais si Bomberman est 60$. Exclusive Uplay Points Rayman DLC, man. Ça va être au moins 60 Uplay Points. Ouais, minimum. En ouais. Forme un peu rafale, j'aimerais faire un shout-out à Crash Bandicoot. Oui. Que pour moi, ça va être un... On vient d'entendre la blonde. La blonde est super contente. Pour attends, on va faire les puristes. Attends, Crash Bandicoot. Okay. Pour les puristes, c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy. Parfait. Juste pour mettre les points sur les i. Y a-tu vraiment des puristes à ce point-là? The Crash, il y en a. Ouais, ils ont tout acheté, c'est quoi, ukulele, c'est ça? Ou... C'est c'est des fans, non, c'est Banjo and Kazooie. C'est quoi? Same bullshit. On va dire les vraies affaires, là. Voodoo Fins Remade était meilleur que Ukulele. Et meilleur que. Oui. On dit les vraies affaires, là. Ouais, Ukulele, 80$. Sur la Switch, 80$ sur la Switch. Ouais, sur tout. Non, il doit même pas l'avoir sur la Switch. Il y a un jeu que je pense. Ça fait combien de temps que la Xbox One est sortie? 3-4 ans. Ben, un jeu que ça fait 4 ans, je pense qu'on attend qu'il nous monte à tout et à 3. C'est pas un AAA, mais c'était peut-être un AAA indie. Cuphead. Ah ouais, j'avoue. Hein, comment ça va être out en crise de l'essayer ce jeu-là? Puis il est mieux de ne pas être 30$ là, quand il va sortir pour couvrir les coups. Justin, il y a un nouveau Sonic Forces, tout le monde s'en calisse. Sega, ça existe. South Park, The Fractured But Whole. Qui était annoncé au E3 l'année passée. Ouais, ça, il était ça. Fucking out of je vais faire une autre parenthèse avec les E3. Là. Moi, il doit y avoir un règlement que si ton jeu sort pas 12 mois après le E3, je veux pas le voir au E3. Dude, sais-tu pourquoi ils t'écouteront pas? that pre-order money that helps develop. Pas rien que ça, ils vont dire... Est-ce que tu es capable de pre-order Final Fantasy VII en ce moment? Oui. Oui. Ah. Amazon vont te laisser le faire, un paquet de c'est drôle, j'ai regardé Amazon aujourd'hui puis je ne l'ai pas trouvé. Je suis sûr que je peux le pre-order. Ouais, non, mais c'est pas un episodic game de merde. Fait que on ne sait pas encore. On ne sait pas. Non, c'est ils pas l'ont parlé. Ça. Non, mais moi, j'ai vu des articles qui disaient que finalement, ça serait pas épisodique. Ouais, mais... Moi, c'est un jeu-là. Là. Amazon.com, Final Fantasy VEE Remake PlayStation 4. Combien? 59,99 avec free shipping, un Prime Saving. Le film de Final Fantasy VII. Ah, man, ils ont fait vraiment du artwork écœurant. Je peux l'acheter neuf présentement pour 59,95 et vu que je suis Prime, get it less for trade-in, see how much you'll save. Ça, c'est Amazon.com présentement, pas .ca. Donc, écoute, mais c'est on s'attend money, man. Anyway, ben si dirais, ben oui, il sort dans 11 mois puis rendu à 10 mois comme... Ben, je vais devoir faire Fantasy VII Remake PlayStation 4, 80$ sur Amazon.ca. Guys, pourquoi tu fin de l'épisode? Oui. On est obligé de couper ça. On Ciao. Est triste. Bye. Donc, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, ben, on va remercier les gens d'écouter l'émission. Fait que merci, gens, d'écouter l'émission, tout le monde en même temps. Merci d'avoir écouté jusqu'à l'émission. Patreon. Point com. Non mais, hey, mais un gros merci d'avoir été avec nous autres. Guillaume, bien content que tu sois de retour. Ça fait plaisir, ça fait bien. On t'a slappé un peu des informations, fait que ça prend de la structure, ça prend quelqu'un qui dit écoutez, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, ce n'est pas la bonne réponse. Fait que merci d'être là avec tes informations toujours aussi assidues. Puis ma coordination buccale va s'améliorer d'ici les prochains épisodes. Certainement. Eric, les gens qui voudraient interagir avec toi. Ben je travaille ben je sais pas Montréalien sur Facebook etc. Priced 13,87 sur le merveilleux jeu qui s'appelle Blizzard. Puis c'est pas mal ça, l'arcade MTL les vendredis et les jeudis aussi une couple de fois par mois. On fait des petites extensions, des projets à venir assez intéressants. Préparez-vous à avoir des cool live streams qui vont se faire let's play directement d'arcade MTL. Vous allez voir, attachez vos casquettes. Dominique Bourret va être sous sa télé. Fucking tease. T'as-tu dit cette année? Sa télé. Ok. Milter! Vous pouvez me rejoindre. Là, je suis plus banni de Facebook. Fait que, pour encore quelques jours. Pour quelques jours, ouais. Fait que allez me follower tout de suite ou m'ajouter comme ami. C'est ça, Jonathan Milter. Zombie Milter sur Twitter. Puis, c'est quoi d'autre je me serais? Des fois, Snapchat, Zombie M. Puis sinon, moi, vous allez me voir plus connecté souvent sur Xbox et PS4. Fait que c'est Milter 187 sur les deux. Bra! Oh yeah. J'ai écouté un documentaire justement hier sur les LA Riots, là. C'est les Noirs qui pètent tout aux États-Unis, là. Ouais. Puis ils taguaient 187 partout. Fait que j'ai comme fait de l'appropriation culturelle en volant leur code de police préféré. Ou c'est un hommage à eux autres. Ça dépend comment tu le vois. Guillaume? De ce temps-ci, c'est plus facile de me rejoindre directement sur Xbox Live. Guimos, G-U-I-M-O-S. Je vous challenge à Forza 3, mais vous allez avoir pas mal d'un derby démolition, vous allez voir. Cool. Hey, j'ai pensé à de quoi? Oui. Je suis maintenant à cause de Xbox One sur Beam. Ouais, oh ouais, Beamer. T'es rendu un Beamer. Je suis un Beamer. T'es un Beamer maintenant. Je fais deux. Des fois, il stream du Click Heroes. Ouais, j'ai fait ça la dernière fois. J'ai parti le stream. J'ai fait. Ah ouais, eux autres, ils marchent avec des points d'expérience sur combien de temps tu stream. Clicker Heroes. Pas ça, je suis parti. Puis là, j'en revenais. Il y a du monde qui check les comments. Puis t'es comme. Clicker Heroes ou Xbox One, là, c'est du crack. Là. Oh, je sais. Fait qu'on va aller te suivre sur Beam. Oui, Milter 187 sur Beam. Excellent. Pour les gens qui voudraient interagir avec moi, ben Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, pas mal partout, Steam, Battle.net, 12, c'est Uzumaki QC 1281. Sinon, vous pouvez me retrouver sur. J'ai commencé à streamer pas mal plus sur la page Twitch du collectif. Fait qu'il y a du Horizon Zero Dawn type of shit. Je te trouve pas mal actif, moi, en stream. C'est un site. J'aime les petits messages, là, comme. Ben, on dirait que je reprends go au streaming parce que je me dis, tant qu'à jouer tout seul chez nous, je joue quand même tout seul chez nous. Tu joues. Mais j'ai l'illusion d'être social parce qu'il y a 3-4 taupins qui viennent m'écouter une fois de temps en temps puis qui partent. L'autre fois, c'était pas pire. On était une vingtaine, par exemple. Ouais. Ça, c'est grâce au share d'Éric. Merci à la blonde. Shout out à Gamer Gamers du Québec qui nous a fait des ben, dire, merci à la blonde d'André de ouais. Laisser streamer aussi. Oui, souvent. Oui, aussi. Le également. Fake ou l'officiel. Ben, elle joue à Sims pas mal ces temps-ci. On va juste faire un test. Crash Bandicoot. Yes! Fait que j'imagine qu'elle va jouer quand ça va sortir. Mais donc, Uzumaki QC, vous pouvez me retrouver. Je vais faire un shout-out aussi. Les gens qui vont être dans le coin de Laval, donc 450 Laval, le palindrome, on a une boutique à un des chums à moi, Patrice, qui a ouvert son magasin qui s'appelle Geek Stuff. Ah oui, qui est sur le boulevard de Laurentides. Je vais share ça avec la page un peu plus tard. Honnêtement, si tu tripes pas mal Transformers, pop, figurines, il y a un paquet de stock dans ce magasin-là, c'est super cool. Pat, il y a des Transformers G1, un paquet de cossins, il y a une grosse collection. Fait que allez voir la page, je vais la share avec la page du collectif tantôt. Je viens de la liker parce que je pouvais pas à cause que j'étais banni, mais puis là tu vas même pouvoir la sharer en plus. Mais je veux y aller là-bas, c'est ça. Ben on va sûrement aller là-bas prendre des photos, puis je veux qu'on fasse une petite capsule peut-être dans le magasin. Shameless plug pour lui, mais il a mérite, il travaille fort, c'est investi, puis il y a une belle shop. Fait que suivez son évolution de son projet, ça va être vraiment cool. Puis, ben, on vous invite aussi à aller liker la page sur Facebook si c'est pas déjà fait. Allez liker la page sur Twitch si c'est pas déjà fait. Donc, twitch.tv/gcpodcast, facebook.com/geekcollectif, le podcast. Ça on fait est long... sur Twitter aussi, @geekcollectif. Puis ça fait longtemps que tu nous as pas fait ton shout-out ou ton call-out d'iTunes. Le call-out d'iTunes, très, très, très bonne idée. Guys, pas juste trois bières, quel tour d'avoir du love d'iTunes, là? En fait, tous les podcasts méritent du love. On est tous sur iTunes. Allez nous mettre une cote de 5 étoiles ou moins. On accepte les 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, peu importe. Laissez un commentaire, n'importe quoi, ça nous aide. Allez laisser des... T'sais, honnêtement, peu importe où vous écoutez, que ce soit sur RZO, sur le site, n'importe où, faites juste laisser un commentaire. Ça peut être un mot, ça peut être « vous êtes laid », ça peut être « j'aime votre émission », ça peut être un paquet d'affaires, mais Jonathan, laissez des commentaires, faites des « shares ». C'est de même, ça nous aide à se faire connaître. Et on a également le patreon.com/geekcollectif, ce qui va nous aider à garder les lumières ouvertes, acheter d'autres néons quand ils brûlent et surtout payer l'hébergement pour les fichiers audio et l'équipement pour le stream. Fait que guys, c'était super cool ce soir d'être de retour. Et sur ce, ben on se laisse et on se revoit dans 2 semaines. Donc sur ce, eh bien, bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée bye, Twitch. Bye, bye, bonne bye, soirée ciao. Facebook. À bientôt. Bye bye! C'est fini! Il y a un copyright là-dessus, on ne l'a pas fait. Non, j'ai pas fait le moment avant. Je vais arrêter l'audio!